CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, 89.1. Le plan de cette semaine, assemblage requis. Stéphanie Paradis est avec nous et on va boire ensemble jusqu'à ce qu'on oublie nos problèmes. On va dépenser nos chèques de paye dans ce que ça devrait répondre là. Et on va sûrement faire d'autres chroniques pour meubler le reste de l'émission si on a le temps. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis pour la semaine du 16 juin 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hey, Steph! Hey, Matt! Deux semaines de suite. Ben oui, hey, c'est pas mon record. Non. Fait que finalement, on n'en parle pas. Non, c'est ça, on a fait pas mal plus que deux semaines de suite dans vie à date. Là. Oui. Mais bon. Disons que depuis le début de l'été, c'est la deuxième fois et on ne sait pas de combien. C'est ça, la deuxième fois, mais de suite. C'est ça. C'est une bonne moyenne au bâton, ça, pour l'été. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. On va t'avoir aussi, d'après moi, je crois que la semaine prochaine aussi, tu vas être là. À date, oui. OK, on s'en reparle. Donc, l'émission d'aujourd'hui, Steph, contrairement à la semaine passée, on avait mangé nos émotions. Ouais. C'était pas mal de fun, ça, même ouais. Si 5 fois sur 6, on n'a pas été tout à fait convaincu du résultat. Oui, c'est vrai que c'était quand même décevant, mais je veux dire, au goût. Oui. Dans notre ventre, ça a quand même fait du bien. Ah, là. C'était le seul repas de la journée pour moi, puis c'était bien en masse. Ben oui. Aujourd'hui, à la place, on va... Ben, je te donne un indice. J'ai dit en intro qu'on allait boire jusqu'à oublier nos problèmes. Tu m'as demandé, est-ce que t'as mis de la boisson? Oui, exactement comme ça, je t'ai demandé. Avec cette voix-là. peut-être. Peut-être pas. C'est-tu du vin? Peut-être pas. Surtout, mais peut-être pas. Mais c'est-tu du vin? C'est du vin. Est-ce que je dois répondre? D'autres choses. C'est d'autres choses, hein? C'est d'autres choses. T'as regardé dans le frigo, c'était un sac qui avait clairement pas de bouteille de vin là-dedans. Mais non, mais je sais pas, j'ai pas regardé. Pour vrai, j'étais allé à Tonton. Ah, attends. J'étais allé à Tonton. OK. Et il fait noir dans ce local-là en plus, tout. Ouais. Oh, oui, j'ai pas allumé la lumière. Surtout qu'il fait noir, toi, c'est. Pas allumé la lumière. Mais moi, c'est Tonton. Hein? Puis il y a pas de petite lumière dans ce frigo-là. Non. C'est perturbant. C'est vrai. Non, mais c'est pas la chose qui te perturbe le plus quand il manque d'électricité, c'est un frigo noir. C'est vrai, on n'est pas habitué à ça. On dirait qu'on sait pas ce qu'on mange. Je trouve ça déprimant. C'est comme un faux chandelle, arc. C'est ça. On sait pas qu'est-ce qu'on mange parce que je mange dans le frigo d'habitude. J'aime ouais. Pas ailleurs. Donc, c'est ça. Toi, indice pour ton ta bouffe de la semaine. Je sais pas si tu continues dans le domaine des malbouffes de la semaine. Non, je suis revenu dans la bouffe. Moi, mais... Tu me déçois, je voulais finir malbouffe pour toujours avec toi, forever and ever. Non, mais c'est comme middle, ah. In the middle. Stuck in the middle with you. Disons que, non, ben si je te donne cet indice-là, tu risques très fort ouais. Probablement de le trouver. Donc, je te donnerai l'indice environ 5 secondes avant de te montrer ce que j'ai acheté. Ah, parfait. C'est bon, ça? C'est comme, en passant, j'ai un pénis, whoop! Ouais, bon. Donc, on va faire ça, mais pas seulement ça. Ça, on garde ça pour la fin de l'émission. Avant ça, il y a bien d'autres contenus à faire. Donc, on va faire C'est un fait. On va faire SXP, ça devrait répondre là, bien sûr, acheter des choses. King Sexy Time, qu'on n'a pas fait la semaine passée, va être là. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, des trucs kinky. T'as bien raison, on va en faire pour la peine. Je sais pas pour le reste. Je sais que je vais faire le puseur du hasard parce que j'ai pas fait la semaine passée non plus. Avec ton nom assez succulent, merci. Mais j'ai aussi d'autres affaires que j'ai pas le choix. Puis il faut faire ça avec toi parce que Caroline, c'est toi qui me remets sur le droit chemin. Par exemple, les instructions d'assemblage. Ben oui. C'est fun de faire ça. Mais on peut pas tout faire. Hein? On va pas tout faire. On devrait faire un Extended Edition. On devrait bumper Rock Rebellé. C'est ça? Ben oui. À 18h. Surtout qu'il n'est pas là la semaine passée. On aurait pu faire l'émission de 4h la semaine passée. Mais bon, on verra. On va jouer le moins de musique possible pour savourer le plus nos moments ensemble, Steph. Comme toujours. On devrait jouer toutes les pubs une après l'autre. Ah oui. Puis après ça, on fait ça non-stop. Mais non, on va devoir suivre le rythme . Parce que on doit écouter au moins une chanson pour débuter l'émission. Après ça, je vous garantis plus rien. Ça, bon. Donc on écoute. Bah tu sais, je la dédie vu que t'es la seule fille dans le coin. Ok, c'est une chanson de Saint. Non, c'est une chanson de plot, octoplot. Ah, presque pareil. Ouais. On va ensemble. Ouais. À Assemblage Requis. Belle image. Le singe juste à côté de la liste. Le singe. C'était Octoplute. Octoplot avec Noir foncé, 18e position francophone sur l'album Pansement. D'ailleurs, le palmarès francophone qui va être de retour dans la prochaine édition des palmarès C'est fou, les jeudis à 14h. Ça sonne aigre. Je sais pas s'il y a un lien. Je sais pas. Ouais, peut-être. Bonne question. On va leur demander parce que ce serait une bonne affaire, une information véridique comme ça pour mettre dans C'est un fait. Mettons. Non. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Merci Steph de m'accompagner. Ça, ça varie le son. Non mais pour vrai, tu sais la deuxième fois que tu répètes, ouais. Je suis tellement insécure. Non. Regarde, moi, j'ai de la misère à retenir. C'est les palmarès, c'est fou. C'est limite, là. C'est vraiment limite. Et ça fait quoi, genre 8 mois, je sais pas quoi, de fil qu'on l'a fait. Mais bon. Même donc, plus que ça. De fil? De fil? Ouais. Je sais pas. Non? De septembre à avril. Comment? De fil. Ah, ouais. Moi, c'est l'été. Ouais. Ah. Bref, c'est pas grave. Ça compte pas. Ça compte pas. Commençons par une rafale de faits, comme on fait toujours en début de chronique. Au 18e siècle, envelopper ses besoins, numéro 2, dans du papier et lancer ça par-dessus le mur d'un voisin ou la clôture. On appelait ça une livraison volante. Livraison volante. Il y avait vraiment un nom pour ça. Pourquoi est-ce qu'il y avait des gens qui faisaient ça? C'était bien à la mode. On dirait une petite farce et attrape, je pense, quand t'aimais pas tes voisins. Hey, c'est drôle en tabarouette. Il y avait rien à faire, c'est au 18e siècle. Porter ce qu'on appelle un visor, une genre de, tu sais, comme sur une casquette, là, t'as le truc en avant, là, la palette, une palette, si on veut, une palette sur ton casque dans la NFL, la ligue de football. Hein? Pour ça, pour pouvoir porter ça, il faut avoir une note de son médecin. D'ailleurs, toutes les palettes de la NFL, ou presque toutes, sont sous prescription. Hein? J'imagine pour protéger leurs yeux, mais il y en a qui ont une palette au football, ça arrive. Il faut une prescription. Ah? Dans ces derniers jours, Salvador Dali. Tu te rappelles l'artiste Salvador Dali? Oh, hein? Oui, je le connaissais bien, personnellement. Personnellement. Passé beaucoup de temps à philosopher sur son dernier pet final, apparemment. Nous dit-on, c'est vraiment une information vraie ici. Il pensait, il philosophait sur son dernier pet. Sais-tu que ça m'étonnerait pas tant que ça? Là? Il est un petit peu bizarre. Un petit peu bizarre. En 2003, on a lancé, la compagnie Sharwood a lancé une gamme de sauces au curry nommée Bund, B-U-N-D-H. Et après avoir reçu plusieurs plainte, ils ont découvert que bun, ça veut dire fesse en langue punjabi. Une sauce de fesse. Oh, j'aime ça. Moi aussi, mais ça. C'est bon ces sauces-là en plus. Oui. Ces sauces-là. Et ça ferait, ouais, et ça ferait un bon slogan en plus, c'est des sauces qui fessent. Ouais. Ouais. Le mot du jour, c'est en gaélique écossais, tu me définiras ça, s'il te plaît, c'est skiomlariarchite. Skiomlariarchite. Ah, Guillaume le Métivier. Ah oui, voilà. Non, c'est le genre d'ami qui vient chez toi seulement lorsqu'on est proche de l'heure du souper, mettons, ou de manger, autour des repas. C'est un ami qui se présente seulement chez vous. « Hey, ça va toi? Ouais, ah, mais ça va faire un souper? Ouais, » Est-ce justement. Que ça doit être fait de façon hypocrite? Ça le dit pas, je pense que c'est juste en général, ce genre d'ami-là. Ça décrit vraiment l'ami en général. OK, j'ai quelqu'un en tête. Ah oui, hein? Oui, oui, oui. On ouais. Le la salut. L'est. On le la l'est, salut. Non, non, être seul. OK, salut, fille. On a su que c'est une fille au moins. Aux États-Unis, à la Première Guerre mondiale, la sauerkraut, sauerkraut, c'est de la choucroute en français. On a renommé ça le chou de la liberté. Le chou de la liberté. Les hamburgers sont devenus des sandwichs de la liberté. Et une maladie allemande a commencé à se faire appeler aussi une maladie genre de la liberté. Le scorbut de la liberté. Le scorbut, mettons, c'est exemple. Donc après la Première Guerre mondiale, quand on était anti-allemand, un peu comme après... c'est quand on a renommé les French fries, les Freedom fries à un moment donné. C'est dans le coin du 11 septembre, quand les Français refusaient de participer à je sais pas trop quoi, la guerre contre le terrorisme. Okay. On avait renommé les French fries, les Freedom fries. Les Américains sont vraiment comme ça. Surtout quelque chose est dans un pays et qu'on n'aime pas ce pays-là, on renomme les affaires. Mais tu me fais penser, j'ai déjà travaillé dans un fast-food et il y avait des Français, puis j'ai pas pensé à ça, je leur ai offert des oignons français. Ouais. Puis ils m'ont vraiment regardé croche comme. Mais qu'est-ce que c'est? The fuck! The fuck! What the fuck! Et là, j'ai réalisé que c'était peut-être pas tant français que ça. Non, c'est ça. Maudit français. En 2008, le futur premier ministre belge s'est fait demander de chanter l'hymne national belge et accidentellement a chanté celui de la France. Accidentellement. Oups! Le volleyball a été inventé à Hollyoake dans un gym en 1895. Son inventeur est William George Morgan. Et le nom, à l'origine du volleyball, était le Mintonette. C'est cute, hein? Le mini-tennis. Le mini-tennis, on dirait une menthe. C'était comme le badminton. Oui. Mais pas de bad. Tonight is the net. C'est ça. C'est ça. Bref. Il y a 7000 ans environ, en Égypte, on jouait dans des allées de quilles qui ressemblaient pas mal aux nôtres. Hey. Intéressant. Il y a 7000 ans. Il était quéterne même à cette époque-là. Genre, c'est ça. Ah, mais c'est le fun. C'est une partie de plaisir, j'imagine. C'était... Non, une partie de cake, on dit. D'accord. Tu connais l'actrice Nina Debrève? Elle joue dans The Vampire Diaries. Non, c'est trop féfée pour moi, ça. D'accord. Je suis désolée. Bien d'accord. Il se passe absolument rien dans cette émission. Absolument rien. À part être féfée. C'est ça. Donc, Nina Debrève, pour ceux qui s'intéressent, son vrai nom est Nicolina Konstantinova Debrève. C'est joli, hein? Et c'est un peu plus complexe à retenir. À peine. Et elle est née en Bulgarie. Elle avait 2 ans quand sa famille a déménagé au Canada. Ah! Eh bien. En Finlande, le 27 juillet, c'est la journée nationale des gens endormis, National Sleepyhead Day. Traditionnellement, le dernier à se réveiller se fait réveiller avec de l'eau dans la face. Ah! Dans la maison. Je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à mon chum. 27 juillet? Oh, il dort toute la journée, c'est sûr. C'est-tu une fin de semaine? Bonne question. Je suis sûr que ça va être terrible. On va aller voir. C'était un dimanche. Plus rapide que moi. Quelle meilleure journée pour dormir que le dimanche. S'il mouille, en plus. Hey, imagines-tu? Ah là. Imagine si l'air climatisé est posé. Ah. Ça va-tu bien dormir? Ça s'en vient. Ça s'en vient, vraiment. Je suis pas capable de pas d'air climatisé. Je suis plus capable. T'as rien de virer fou, hein? Ah, vraiment? Plus capable. Le billard. Il y a un grand joueur de billard qui se nomme Henry Lewis, qui a déjà réussi à caler 46 balles de suite. Boule, balle, bille au billard? Boule-bille? Des boules. Des boules. Ah oh oui, de c'est billard? Ça. Oui. Il me semble que c'est type des boules, non? Ah ben là, je juge pas ma grosseur moi, de boules. C'est ça, c'est quoi ce jugement-là? C'est donc, on va appeler ça des tétines. Donc, il a réussi à caler 46 tétines de suite. Félicitations à Henry Lewis. Seulement 35% des suiveurs sur Twitter d'une personne en moyenne, mettons toi, là, le nombre de suiveurs que tu as, 35% sont des vrais gens. Le reste, des robots, du spam, des compagnies, des instruments. 35% en moyenne là. Si tu prenais toutes les bactéries que tu as dans ton corps, OK? Est-ce que je pourrais faire le voyage de la Terre à la Lune? Peut-être, mais tu pourrais aussi remplir une grosse canne de soupe. Arc, je mangeais une canne de soupe ce midi. C'était complètement rempli de bactéries dans un autre univers parallèle. Hey, justement, j'ai pensé à toi, j'ai mangé une canne de soupe de tomate Elmer. En miam, monsieur le maire. Oui. Ça fait une bonne pub, ça. Oui. Pour le prochain, malheureusement, tu vas devoir te boucher les oreilles, Steph. C'est dur de par-dessus les écouteurs. Mais il va falloir t'enlever les écouteurs parce que c'est un fait que t'aimeras pas savoir. Un peu comme une fois de temps en temps, je te mets un fait, puis là tu me dis, ah, oh, j'aurais pas aimé mieux savoir. Aimé mieux pas savoir. Tu vas-tu blaster les bananes? Non, mais je vais parler encore une fois de choses qui sont dégueulasses. Mais si tu veux l'entendre, loisir à libre à toi. Ok, je vais faire un homme de moi. D'accord. Donc, juste. Ça dépend. Si on parle de toi, je sais que t'aimes pas les bibittes, là. Ben, en fait, c'est ça, c'est des bibittes, puis j'aimerais pas ça, mais en même temps, faut gasser de même, c'est la réalité de la vie. Et je crois même que de toute façon, j'ai probablement déjà parlé de ça, mais j'avais le fait ici, numériquement parlant. Environ 10% ou jusqu'à 10% du poids d'un oreiller après 2 ans est composé de bestioles mortes, de microbes et de crottes. Oh, la mienne est neuve. 10%. Okay. Le mien est neuf. Un oreiller, exact. Voyons. Stéphanie Paradis. Tu commences à glisser vers le côté sombre. Ouais. Une oreiller, un ordinateur, un autobus, puis une beigne. Et une souris verte. Non, un souris verte. Un souris vert. C'est ça. Donc, 10% du poids d'un oreiller qui date de 2 ans est composé de ces choses-là, mortes et de leur crotte. OK, 10% t'as dit, admettons que ça fait 2 mois que je l'ai. Fais-moi le calcul, c'est quoi le pourcentage? Oh non! Mon cerveau. les notes académiques, les marques, donc les pourcentages, les notes académiques, ont été inventées à l'Université de Cambridge en 1792. Jusqu'à ce moment-là, personne n'avait pensé à donner une valeur numérique à un travail. Ah! Et c'est complètement vrai, la source sur l'assemblage. Là, c'est perdu, c'est rendu des lettres. Là. C'est compliqué. Ça. Des lettres avec des moins et des plus. Des chiffres et des lettres. Ça, là, c'est-tu dur à regarder, cette émission-là? Ça existe encore, ça, je pense? Oui. Ouais, c'est difficile à regarder. Ouais. C'est difficile. Si le père de Hitler n'avait pas changé son nom de famille en 1877, l'Allemagne aurait été menée par un certain Adolf Schickgruber. Schickgruber. Ah, ça aurait moins poigné, on dirait. Heine. En tout cas, on en parlerait peut-être moins. On dirait celui dont on ne peut prononcer le nom. Ouais, je sais pas si Schickgruber, on l'aurait peut-être appelé Schick. Schickel. Pour les intimes. Gruber. McGruber, comme le film. Oh boy. Oh boy. Bref, Hitler. Les lumières, excuse-moi, Firefly, c'est une mouche là, avec la lumière. Luciole. Donc, les lumières qui clignotent, si on veut, sur une luciole, sont causées par ce qu'on appelle la bioluminescence, qui est une réaction chimique qui produit de la lumière, mais pas de chaleur. Ah, donc si tu réussis à y toucher, ça sera pas chaud. Ben non. À moins que tu l'aies excité. Tu veux dire comment tu vas exciter une luciole? Je sais pas, mais je serais prêt à essayer. Tu brosses une flashlight d'en face. Peut-être ça. Toutes les coupes du monde, on est en pleine fièvre du soccer, football. Oui, je le sais, j'ai enregistré une émission. Puis là, je commence. C'était du soccer. Puis là, j'étais comme, oh non, tu sais, ça ils l'ont skippé. Hein? Non, mais moi, je pensais que ça allait juste pas être là. Non. À un moment donné, c'est écrit dans le bas. Nous rejoignons maintenant telle émission qui était en cours de diffusion. Non, niaises? Reporte-la. T'as pas le droit de me couper la moitié de mon émission. C'est que si tu la repousses, là, tu vas repousser l'autre après. C'est dépendant, des fois, ils réussiront pas à rattraper leur temps, tu sais. Ben oui, puis moi là-dedans. Puis toi là-dedans. Non, au pire, là, je comprends pas que les stations soient pas capables de repousser tout jusqu'à un certain point dans la nuit et puis là, passer un court métrage, genre 15 minutes, puis reprendre le rythme après ça. T'sais. Ben oui. Je sais pas, il y a plein de raisons, il y a plein de solutions. Donc, on parlait de la Coupe du Monde. De football. Toutes les Coupes du Monde qui ont précédemment eu lieu en Amérique du Sud ont toujours été gagnées par des équipes de l'Amérique du Sud. Ah! Intéressant quand même. Là, ça se passe où, donc? Ouais, c'est ça, que j'allais dire. Là. Donc, c'est World pas au Brésil? Ouais, c'est au Brésil, exactement. C'est au Brésil. Ouais. Fait que le Brésil... T'as l'Amérique du Sud, ça? Il hein? y a des chances. Donc, il y a des chances qu'ils gagnent, hein? Bon. Écoute, là, pour vrai, là, je me sens hors de ma zone de confort. Là. Moi aussi. J'ai juste dit Brésil, puis je commençais à me sentir bizarre. On dit vraiment n'importe quoi, en fait. Donc, le site de la Coupe du Monde, ben ouais, c'est ça, Brésil 2014, on l'a dit. Puis Brésil, ben on va s'aventurer en disant que c'est derrière l'Amérique du Sud. Pas mal, hein, ça? Ah oui, ça, je suis pas mal certaine. Pas besoin de demander à l'avis du public. Là. L'avis du public. Pas l'avis du public. Ça, je le demande rarement, l'avis de mon public. On était rendu à faire, on a passé la rafale, on a survécu à cette rafale, donc allons-y avec des détails un petit peu plus si ça vous va. Hein? Ça oui, vous tu va? Demandes ça à qui? Hein? Je te demande ça à toi. Tu me vous vois? Ouais. OK. C'est correct? Bon. Oui, ça va, monsieur. Donc, tu te rappelles, sur le petit symbole du recyclage, il y a des flèches qui vont vers l'infini. Là, ça va tout le temps tourner en rond. Oui. Et bien, la boucle infinie du symbole de recyclage est un petit peu mensongère. En tout cas, du moins pour le papier. Parce qu'après un certain bout de temps, les fibres du papier vont être trop faibles pour se tenir ensemble. Ah? Comme des anciens amis qui sont plus capables d'être ensemble, je sais pas. Donc, ça a rapport avec la façon qu'on recycle le papier. C'est qu'une feuille de papier est faite de fibres qui s'inter-embarquent une par-dessus l'autre. Okay, et ça a commencé donc comme fibres de bois suspendues dans de l'eau, un mélange qu'on appelle de la pulpe. Ça va, ça, jusque-là? Pulpe, oui, c'est comme dans le jus d'orange. Comme dans le jus d'orange. Donc, quand la pulpe s'assèche, okay, les fibres vont coller ensemble donc pour faire du papier. Lorsque tu recycles le papier, on remet le tout dans l'eau et on défait ça pour former plus de pulpe. D'accord? Sauf que cette fois-ci, les fibres sont plus faibles et plus courtes. Donc, si tu remarques, du papier recyclé est beaucoup plus facile à déchirer que du papier non recyclé. Ça, moi, je ne savais même pas ça. Ben non. Intéressant quand même. Donc, le nombre de fois qu'on peut recycler le papier, c'est pas une science exacte parce que la pulpe recyclée est mélangée avec d'autres nouvelles fibres pour essayer de faire un mélange un petit peu plus consistant. Donc, on estime que la vie moyenne d'une feuille de papier va être de 6 fois environ. Mais nous autres, quand on met du papier au recyclage, on sait pas ça fait combien de temps qu'il est recyclé, combien de fois. C'est pas écrit dessus. Puis quand ça arrive là-bas, j'imagine qu'il faut qu'ils fassent des tests avec le papier. Puis à un moment donné, ils voient « Ah, ça marche pas, on s'en débarrasse. » Peut-être qu'ils savent par la texture, la couleur. Penses-tu vraiment qu'ils prennent chaque feuille une à la fois? Non. Mais non. Ben, je sais pas s'il y a une machine peut-être qui détecte la... Mais c'est ça, ça doit être comme trié... C'est ça. C'est pas j'allais dire sur le volet, mais je suis même pas trop sûre de savoir ce que ça veut dire. Le Mintonet? est-ce que t'as déjà entendu un son, mettons? T'sais, un son. Probablement t'as déjà entendu un son. Oui, ça va, oui, à date, ça va. On suit. Mais un son qui te faisait un genre de petit chatouillement. À quel endroit? Peu importe là où tu sens des chatouillements. Donc, si tu cherches... Ben, en fait, on va y aller tout de suite avec un extrait. J'ai ça quelque part ici. Attention. Voilà. Donc, si tu cherches sur YouTube le terme ASMR... ASMR, tu vas entendre une fille faire des chuchotements, une femme parler, tu comprendras presque pas. Mais les vidéos vont mettre en vedette, entre autres, des doigts qui tapent sur une table, le déballage de cadeaux, Attends, qu'est-ce que je cherche? ASMR pendant que je suis là, voilà. Donc, c'est supposé d'être à des choses qui vont donner un sentiment, une petite fébrilité, un petit froid dans le dos, si on veut. Il y a des centaines d'heures de vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Ah oui, tant que ça. C'est vraiment bizarre. Donc, on va écouter, tiens, l'extrait que voici. Tiens, on va écouter ça. Je prends ça vraiment au hasard, là, je sais pas. OK. Donc, on va écouter ça. Voir si ça nous fait un petit frissonnement dans le dos. Today, I'm going to be doing... Ah, wow, c'est tellement plat. An unboxing video for you. Donc, c'est Laura Lemure, je vais chuchoter aussi, qui nous dit qu'elle va déboîter un cadeau d'une boîte rose avec un papier bulle. The beauty box. Et là, elle touche la boîte très doucement. Elle ne fait pas péter une bulle, elle va faire le saut. Korea. Hein? Donc, c'est supposé nous chatouiller? On dirait oui. C'est pas où j'ai le goût de manger du chocolat. Donc, c'est le ASMR. Il n'y a pas beaucoup d'évidence scientifique derrière ça, mais on ne sait pas encore quels sont les avantages ou les désavantages, les inconvénients. Inconvénient. Ouais. De faire ça. C'est tellement déconcentrant, excuse-moi. Ah oui, c'est perturbant. J'aime pas vraiment ça. Ça me fait plus que des frissons. Ça me dégoûte presque. Donc, c'est ça. Il n'y a pas encore eu d'expérience en clinique. Pas de données pour prouver que c'est efficace, l'ASMR. En utilisant ça, les vidéos d'ASMR, on peut... ceux qui trippent là-dessus vont s'endormir plus facilement. On dit que c'est pas une bonne idée de s'endormir là-dessus, ça pourrait créer une dépendance. Aussi, ça donnera pas un sommeil de bonne qualité selon les experts. Malgré tout ça, par contre, ceux qui font des vidéos de ASMR sont vraiment très populaires sur Internet. Il y en a comme la célèbre Maria, hein, qui peut avoir jusqu'à 300 000 likes par vidéo. Wow! 300 000 likes. Moi, je comprends vraiment, vraiment, vraiment pas. Il y a plein de chaînes YouTube. Quand tu tapes ASMR, là, il y a Gentle Whispering, il y a ASMR Request, où les gens peuvent faire des demandes spéciales de choses qu'ils veulent entendre chuchoter. C'est vraiment quelque chose. On dirait quasiment que c'est rendu du fétichisme. Là. Oui, hein? Pour vrai? Ça me perturbe. C'est vraiment ça. Il y en a une où elle regarde ses lunettes puis qu'elle frotte les branches de ses lunettes. C'est vraiment n'importe quoi. OK. Bref, ASMR. On reste dans le zen. Il y a un livre qui s'appelle Zen and the Art of Motorcycle Maintenance qui a été refusé par 121 éditeurs. C'est reconnu comme ça a un record du monde par rapport au nombre de fois que quelque chose a été essayé dans une maison d'édition. Mais l'auteur Robert M. Persig n'a pas laissé tomber après. Il a quand même continué. Il faut vraiment avoir de la volonté après 121 oui. refus. Zen, lorsqu'il a réussi à le faire éditer, s'est vendu à 5 millions de copies, donc ça a valu la peine. Wow! Mm-hmm. Pour vrai, l'éditeur, il devait-tu rire de toutes les autres? Hein? Mais Zen! Il se pétait les bretelles? Et tcha-ching! Donc, le contenu du livre, c'est ça. C'est même ça s'appelle Zen et l'art de la maintenance de votre motocyclette n'est pas vraiment une ressource d'information factuelle sur les motocyclettes ou même le bouddhisme zen. Non, c'est plutôt de la fiction philosophique. Qui parle de métaphysique, de la nature de la réalité, etc. etc. Donc, même si son livre est sorti en 1974, ça a pris 4 ans pour l'écrire. Et c'est quand même regardé, vu comme un classique de la littérature américaine. Voilà. Ah ben, tabarouette! Quand même! Ça, là, je trouve que c'est une belle leçon de vie. Ouais! Faut pas abandonner. C'est pas parce que 121 personnes te disent que ce que tu fais, c'est de la merde que c'est vrai. Parlant de se trouver une job, mettons, ouais. Écrire un livre. On va se trouver une job si on est sans-abri. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être difficile, trouver une job quand t'es sans-abri? Ben oui. C'est sûr. Premièrement, t'es pouilleux. Ben t'es pouilleux. Tu sens mauvais. T'as aucune possession. T'as même pas d'habits. On pourrait continuer longtemps. Mais tu sais, c'est parce qu'ils te demandent à quelle adresse on peut... Avez-vous, tu sais, juste un spécimen de chèque, tu sais, si t'es engagé, puis là, t'es comme, j'ai pas de compte, j'ai pas d'adresse. Malaise. J'habite devant un Archambault, ça fait mal aux fesses. Les typiques, là. Donc, trouver un emploi quand t'es sans-abri, c'est un problème aujourd'hui, mais au 18e siècle, c'était pas tant un problème. Sauf que c'était pas une job de 9 à 5, comme on dit. C'était plus être une décoration pour le terrain. C'était être un spectacle. Donc, être un ermite, c'était un privilège. Et tu savais que tu étais rendu riche dans la vie quand tu pouvais te permettre de t'engager un vieux monsieur pour le faire passer du temps dans ta cour, finalement. Mon Dieu, qu'il y en a qui savent quoi faire de leur argent. Tellement. Donc, les ermites étaient très communs à l'époque médiévale. Donc, c'était souvent, c'est ça, une personne sage qui allait offrir des conseils aux gens. On les trouvait, donc surtout, ben, on a souvent entendu ou lu, en tout cas, sur les ermites dans les romans, dans les contes de fées. Les vrais ermites existaient, mais ils étaient pas magiques quand même. Donc, à l'époque du 18e siècle, en Angleterre, les hommes nobles allaient engager des hommes moins nobles, plus pauvres en tout cas, pour vivre sur leur terrain comme des ermites. On leur donnait nourriture et eau comme paiement. On leur donnait aussi un crâne, un livre et un sablier pour rajouter à l'effet mystérieux et mystique. Donc, ils devaient répéter des phrases en latin. La plupart prenaient leur rôle très, très au sérieux et faisaient pousser leur barbe et leurs ongles pour avoir l'apparence d'un ermite. Yeah. Dégueulasse. Y a une journée nationale du hot dog ainsi qu'un conseil national de la saucisse. Ils ont beaucoup d'avis sur les hot dogs maison. C'est le fun de travailler là. Donc, le National Hot Dog and Sausage Council a été fondé en 1994. Ce conseil-là donc fait des recherches scientifiques par rapport aux hot dogs et aux saucisses et aux manufacturiers de ces saucisses-là. Le conseil est aussi une source d'information pour les consommateurs et les médias par rapport à des questions qui seraient reliées à la qualité, la sécurité ou en tout cas la santé de... En fond, tout ce que les produits peuvent offrir pour la santé. Hein? Les aspects nutritifs, la préparation des saucisses à hot dog et des pains à hot dog. Dans leur Hot Dog Facts, Figures and Folklore, c'est une petite brochure qu'ils ont fait, ils disent que tu ne devrais pas utiliser de ketchup sur ton hot dog après l'âge de 18 ans. C'est Pourquoi? Un don't. C'est mal vu. Pourquoi? Je sais pas. C'est trop enfantin. Mais pas de ketchup sur ton hot dog. Selon eux. La moutarde, la relish, les oignons, le fromage et le chili sont complètement acceptables. Par contre, tu ne devrais pas prendre plus de 5 bouchées pour finir un hot dog standard ou encore 7 bouchées pour un hot dog qui mesure un pied de long. Il faut t'assurer d'utiliser tes mains parce que les ustensiles ne devraient pas toucher ni à la saucisse ni au pain. Ah non, conseil. Ça c'est dégradant. Non, c'est dégradant pour la saucisse ou pour toi? Pour la saucisse. En anglais, on appelle ça des fois une frankfurter, une saucisse frank. Ouais, ouais. Et des fois, on va dire wiener. Tu te demandes peut-être c'est quoi la différence entre frank et wiener. Ben écoute, je ne me l'étais jamais posé avant ce moment, mais là, tu m'intrigues. Ça ferait un bon dessin animé aussi, frank and wiener. Non, frank, c'est une saucisse avec seulement du bœuf. Alors que Wiener est généralement une saucisse qui inclut du porc. N'importe quelle saucisse à hot dog fabriquée sans bœuf, porc ou volaille ne peut pas, selon le conseil, s'appeler un hot dog. Ben non, mais c'est quoi sans porc ça, au tofu? Tofu, j'imagine. Ouais. Puis juste de poulet, c'est quoi? Ah. Ben, poulet, c'est de la volaille. Là. Ouais, oui, mais Wiener, tu disais, c'est avec du porc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quoi le nom? Pas de bœuf? Ouais. Bonne question. On a Frank, on a Wiener, mais on n'a pas l'autre. Ouais, on a pas le poulet. Faut le troisième personnage. Ben, c'est ça. Frank Wiener and the Chicken. Ce serait encore une meilleure idée. Ensuite, tiens, on va rester dans les animaux. Hein? Pourquoi ouais, pas? Ouais, OK. Avec un petit peu de Speedy Gonzales. C'est une souris, ça? C'est une souris. Ben, ouais, une souris. En 99, la chaîne Cartoon Network a décidé que le personnage animé Speedy Gonzales était un petit peu trop dérangeant par rapport, évidemment, aux stéréotypes envers les Mexicains. On a donc retiré tous les films, toutes les émissions dans lesquelles il était apparu. Aussitôt qu'ils ont eu les droits de diffusion, ils ont retiré les émissions de leurs ondes. L'Organisation pour les droits hispano-américains, donc League of United Latin American Citizens, a dit que Speedy était une icône culturelle. Des milliers de messages de soutien, de support envers Speedy ont été envoyés sur le forum hispaniconline.com et à cause des campagnes comme celle-là, Cartoon Network a recommencé à diffuser les courts-métrages de Speedy Gonzales en 2002. Même si c'est certain et clair que pour la communauté hispanophone, c'était aucunement dérangeant pour eux ce personnage-là. Dans la collection Looney Tunes Golden Collection, le coffret DVD, entre autres des dessins animés de Speedy Gonzales, il y a un petit texte qui dit: les dessins animés que vous allez voir représentent leur année de diffusion, mais on pourrait montrer certains préjudices, est-ce que ça dit en français? Ouais. Ouais. De niveau racial et ethnique qui étaient communs aux États-Unis dans la société de l'époque. Donc tout ça était faux à l'époque et est encore faux aujourd'hui. C'est vraiment paraphrasé de mal. Mais je trouve ça un peu intense, là. Je veux dire, moi, j'ai jamais regardé Speedy Gonzales quand j'étais petite, puis ça m'a jamais amené à porter un jugement sur les Mexicains. Là. Absolument pas. J'ai même jamais juste fait le lien. Là. Ben, tu sais, oui et non en même temps. Pour moi, c'est une souris qui va vite. C'est ça. C'est avec juste avec un accent, un peu un chapeau, puis c'était drôle, puis ça finit là. C'était préjugé positif. Cours vite, les Mexicains, c'est ça, je te dis. Mais non, mais c'est, il est hot, puis des grandes alaises. Fait que les Mexicains sont hot. Et drôle. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Petit, l'art. Mignon et poilu. Plus de détails sur assemblagerequis.com. On va devoir terminer bientôt, donc je pense qu'un petit dernier, ça pourrait être le fun. On a parlé la semaine passée de permis de conduire en Grande-Bretagne, que c'était très difficile, il fallait passer des tests. La plupart des gens essayaient comme une douzaine de fois avant de passer. Tu te rappelles le petit fait sur les taxis? Ouais. On revient sur les taxis, mais au Danemark, si tu as eu ton permis de conduire au Danemark, c'est certain que tu sais comment gérer ta voiture dans toutes les circonstances, parce que les choses qu'on te demande de faire pour avoir ton permis de conduire en général là-bas au Danemark, ben Colin, il y en a des dizaines. Il faut avoir probablement 18 ans pour appliquer pour avoir un permis. C'est aussi requis que les nouveaux conducteurs doivent passer 7 heures de leçons de premiers soins reliés au trafic pour s'assurer de pouvoir répondre s'il y a une urgence médicale sur la route. Oh, c'est une excellente idée, c'est ça, intéressant. Non? Ceux qui appliquent pour un permis doivent passer 28 heures de leçons théoriques de conduite dans une école de conduite et 4 leçons de manœuvres pratiques sur une route, finalement. C'est pas beaucoup, 4 heures. C'est pas tant que ça, non? Non, c'est pas beaucoup, ça. Vraiment pas. Ces leçons-là, donc, il y a des leçons de figure 8, donc on doit faire des 8 avec sa voiture. OK? Il faut appuyer et... attends un peu. Pouvoir arrêter sur le côté de la route, avancer par en avant, par en arrière avec ce qu'on appelle measured braking, donc savoir où arrêter exactement au bon moment, que tu sois par en avant ou par en arrière, arrêter, j'imagine, sur une ligne. Tourner de bord, je comprends pas la plupart des termes. Un slalom à l'endroit et à l'envers, il y a ça aussi. Mm-hmm. Slalom, quand même pas super. Freiner sans barrer les roues. Ouais. Bon, ça se dit. Ouais. Donc, il y a aussi des leçons à avoir, à apprendre sur un terrain glissant, sur une route glissante, à des vitesses entre 30 et 70 km/h. Donc, on dit à la fin que seulement 87 personnes ont été tuées au Danemark dans des accidents de la route en 2012, comparé à 34 080 aux États-Unis pendant la même année. Ouais, mais c'est quoi le ratio de population? Ouais. Il y a ça qu'il faudrait regarder. Mais j'avoue qu'on s'entend que la marge est assez intense. Là. Oui, peu importe le nombre d'habitants en tant que tel, 87, on s'entend que c'est petit, peu importe le chiffre. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est obligatoire de passer un cours? Ça, je sais pas. Je sais pas non plus. Je sais qu'au Québec, là, c'est rendu obligatoire. Okay. Mais puis le nombre d'heures de conduite est beaucoup plus élevé. Mais je pense pas, il me semble... Non, c'est sûr qu'ils font pas faire de slalom c'est ça, à l'envers. C'est bien beau si tu fais plus d'heures sur la route, sauf que c'est juste avancer, tourner. Peut-être un petit stationnement parallèle, pas parallèle, comment on appelle ça? Oui, mais une fois que t'as pas roulé... Si t'as pas roulé dans le trafic, là, c'est pas pareil, là, des cônes ou le trafic. Là, ouais. Ça n'a rien à voir. Donc voilà pour cet effet. On garde le reste pour la prochaine fois. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Dans quelques instants, qu'est-ce qu'on fait tantôt? Dans le plan, qu'est-ce que j'ai préparé tantôt? On va en parler pendant la pause. On va discuter ça. On va en parler. Petite conversation, restez là. Assemblage Requis, dans 2 minutes. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. To hide, watch our skin lighten up. Curious little ghost. You don't peek, no, you don't. Water washes off your back. Everyone's reflective. Can't stand it, find your way. Ooh, I found a way home. lean back with the tide, shallow hands side to side, fingers burrowing below. Who'll draw fire from the moon? Who's the first to fly so wide? How long can we put it off? Pay attention, no one's really swimming anyway. Someone's talking and you're breaking away. I'm forgetting what to say. We show just enough. Royal Canoe et l'excellent morceau de Justin Huff, 18e position anglophone à Assemblage Rocky. Un canot royal, je sais pas combien, tu sais, que ça me donnerait envie d'avoir ça. Pas grand chose, t'es pas un roi, fait que tu peux pas le conduire. Voyons, on dirait que... Le canot est foncé dans quelque chose, je pense. Voilà, fini. Bon. En tout cas, bref, si tu sors pour faire du canot, t'as besoin de quoi? Une rame, je pense? Une bouée. Ouais. Une bouée, t'as bien raison. Attends un peu, donne-moi deux petites secondes, OK? Je me rappelle plus dans quoi je mets mes affaires. C'est là-dedans. Ah, c'est ça. On a changé de chronique en cours de route. Voici son foutu palmarès. Yay, là, je l'ai. We'll be right back. C'est son foutu palmarès où on envoie promener tout le monde, c'est ça, hein? T'en plains, ça! C'est la liste des gens qu'on envoie promener, non. Pas du tout, en fait, c'est une collecte de listes, tout ce qu'il y a de plus simple et facile. Dans la vie, ça prend un petit 10 minutes, puis on est bien content. Aujourd'hui, donc, c'est le top des fêtes qu'on peut célébrer dans le mois de juin. OK, évidemment, étant rendu le 19, on a manqué pas mal. Ben, c'est pas grave, on va se reprendre. On a le temps de se reprendre, puis de planifier ça pour l'année prochaine, peut-être. Ou le fêter la mauvaise date. Oui, ben c'est ça. Célébrer le mois de juin au complet, si vous le voulez. Hein? Donc, le 1er juin, c'était la journée « Dites quelque chose de gentil à quelqu'un ». C'est « Something nice day ». Ah! Ah, ça, tu vois, c'est une bonne chose, mais on a manqué. Ensuite, il y avait, au début du mois aussi, « National Leave the Office Early » des journées « Partez tôt du bureau ». Faites l'école buissonnière. Comment tu dis ça pour la job, une job buissonnière? Bon. Quand on est malade. Quand on est malade. Le 6 juin, c'est la journée nationale du beigne. Hein? Ah, donc, ça m'interpelle. C'est le premier vendredi de juin, fondé en 1938 pour rendre hommage au rôle, ce qu'on appelle de... c'est les beignes qu'on a donné à la Première Guerre mondiale. On a déjà parlé de ça dans une chronique la semaine passée, mais c'est les membres de l'Armée du Salut qui ont commencé à se faire appeler les Donut Dollies. Ils distribuaient des beignes aux soldats pour donner un petit quelque chose de plus à leur ration. Il n'y avait pas beaucoup de choses à manger, donc on leur donnait un beigne pour accompagner ça. Plusieurs années plus tard, pendant la Grande Dépression, l'Armée du Salut a créé une fête pour se souvenir de ça, donc pour nous rappeler les bons souvenirs de leur beigne et encourager évidemment les gens à donner de l'argent à l'Armée du Salut. Et à manger des beignes. Et voilà. Le 8 juin, c'était la journée nationale des océans. En fait, la journée mondiale, oui, des océans. En 2008, les Nations Unies ont officiellement désigné le 8 juin comme journée qui rendait hommage à cette partie de la planète qui est couverte d'eau. Avant ça, on célébrait, c'était célébré par l'Ocean Project et le World Ocean Network. De nos jours, c'est un événement global d'éducation et de préservation de la nature. OK, on fait ça comment? Comment tu fais pour souligner la présence des océans? Tu vas te baigner? On noie un chat. Non, j'ai aucune idée. Le 12 juin, c'est la journée nationale du jerky. Ah, oh, ça, c'est bon. Ah! La première fois que j'ai mangé ça, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Jerky! Mais moi, je suis pique assiette, hein. Ouais. Fait qu'à chaque fois que mon chum en prenait, j'en prenais quand même. Puis là, c'est rendu moins qu'un membre. Toi, quand c'est gratuit aussi, hein? Oui, hein? Quand c'est gratuit, ouais. Ouais, donc c'est ça. T'en redemandes, est-ce que t'as une saveur de jerky préférée? Ah, moi, c'est le nature. Ah, ouais. Oh, oui. Pas de poivre, miel. Non. Moi, j'aime ça quand ça goûte le beurre. Moi, j'aime ça quand c'est piquant. OK. Pas fade. Donc, c'est. Pas fade du beurre? Ben oui. Et non. Ça arrive. Donc, c'est ça, la journée nationale du beef jerky. C'est seulement la troisième célébration annuelle de cette viande séchée. C'est commencé par le Wisconsin Beef Council, le conseil du bœuf du Wisconsin. 13 juin, c'est la journée nationale de blâmer quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la maladie d'Astacose dans ma famille. Donc, c'est célébré le premier vendredi 13 de chaque année. C'est un peu spécifique, hein? Premier vendredi 13 de chaque année. Donc cette année, c'était... Ça vient d'arriver le 13 juin. Ah, d'accord. D'ailleurs, savais-tu qu'il y avait au moins un vendredi 13 par année, mais jamais plus que 3? Intéressant, oui. Hein? Oui. Ça veut ça. Okay. J'imagine qu'après ça, tu vas me dire, genre, que mais vendredi 13, on appelle ça parascavédécatriaphobie? Hein? Puis ça, tout le monde le sait aussi, hein? Ben, c'est la peur du chiffre 13. Moi, c'est ça, la peur du... Oui, j'ai un ami qui a cette phobie-là. T'es-tu sérieux? Puis il écrit très souvent sur Facebook, donc je pourrais pas te le redire, par exemple. Non, moi non plus. Hashtag! Mais je reconnais l'image visuelle des lettres. Pauvre personne, hein? Quelle peur, là, que tu as sûrement juste... Moi, je suis né un 13, là. Ouais? Mais juste un 13 normal. Mais j'ai eu 13 ans un vendredi 13. Oh! C'est hot! Ben oui! Sais-tu quoi? Quoi? C'était la pleine lune. Et t'as accouché d'un chat. Exactement. Okay. Le 14 juin, c'était la journée nationale, la journée mondiale. Il faut préciser à chaque fois c'est à quel niveau. Ça. Journée mondiale du jonglage, jonglement, jonglation. Ben, célébrée évidemment partout dans le monde en jonglant, j'imagine, avec des affaires. Le 16 juin, c'était la journée qu'on appelle Bloomsday. C'est quoi ça? C'est l'anniversaire du jour où Ulysse, le livre de James Joyce, se déroule. Donc, les fans de l'auteur vont célébrer sa vie et tout ce qu'il a accompli dans des villes partout autour du monde. Donc, c'est une fête nommée en l'honneur du protagoniste de Ulysse, Léopold Bloom. Eh bien. OK. Eh bien. Le 18 juin, c'est la journée internationale du sushi. Ah! Oh non! C'était hier! On l'a manqué! Eh, pauvre nous. Hey, j'ai-tu manqué l'occasion de me bourrer à la face encore? Ouais. et de te faire payer peut-être par quelqu'un qui, j'imagine, va prendre ça à cœur vu que c'est ta fête du sushi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ton surnom, on va se le dire, Sushi. Oui, c'est Sushi. Sushi. Ouais, ouais, ouais. Donc, si vous cherchez une excuse pour manger des sushis, 18 juin. Le 19 juin, aujourd'hui, en direct, c'est la journée récréation au travail. Ben, salut. Salut. On s'en va jouer. Ciao, bye. J'aurais pu faire le gag classique d'arrêter le fond, comme je fais tout le temps. Mais c'était prévisible, fait que je le ferai pas. Donc, c'est une célébration pour avoir moins d'heures de travail au bureau pendant le mois de juin parce qu'il fait beau. Le 20 juin, c'est la journée nationale d'amener votre chien au travail. Si on n'a pas de chien, d'amener... Peux-tu donner mon chat? Je... Déguisé en chien. Mon dude. Ton qui? Mon dude. Dude? C'est un gecko. Ah, d'accord. D'accord. Ou serpent. Serpent, j'aime ça. On a oui. Attends, mettons que tu veux te faire sacrer patience, là. Ouais. La journée, elle met ton serpent au bureau. Les gens qui n'aiment pas les serpents, mais ils vont te laisser tranquille. Voilà la solution. Donc, si vous devez travailler, amenez votre chien au bureau. C'est demain, le 29, vendredi. Mais c'est pratique si t'as un chihuahua, peut-être moins si t'as un, je sais pas, un rottweiler ouais. ou un lévrier. Tu sais, quelque chose qui prend plus de place. Mm. C'est ça de même. Oui. C'est moins pratique. T'as bien raison. Le 21 juin, c'est une petite fête très obscure là, que personne ne connaît, le solstice d'été. Mais c'est pas une fête. Je sais, ben, c'est une c'est fête. La transition de... Je sais bien. L'été débute donc dans l'hémisphère nord avec le solstice exactement à 6h51 heure de l'Est. Le matin, 6h51. Là. La lumière du jour va durer... de 12h08 à l'équateur à 24h complètement au cercle arctique. Bon, voilà. C'est une journée à célébrer comme une autre. Le 24 juin, c'est la journée nationale des chroniqueurs de journal ou chroniqueurs columnistes qu'on appelle des fois. Columnistes. Oui. Il y a seulement les journalistes ou les gens dans le domaine journalistique qui appellent ça des columnistes, mais bon. Donc, c'est une journée donc pour envoyer une note d'appréciation à votre chroniqueur préféré. Le 27 juin, c'est la journée décidée d'être marié. Hein? Donc, c'est la journée pour rendre hommage non pas juste au fait que les gens se marient, mais qu'ils ont décidé de le faire. C'est basé sur un poème par Barbara Goggin Miller. Donc, que je vais vous... est-ce que j'essaie de le traduire? Ça va être ben trop difficile. Non, c'est la journée idéale pour se faire demander en mariage. Ah, voilà! Par contre, on rappelle que c'est le 27 juin en cercle. Oui. Le 29 juin, c'est la journée des chalets en bois. Donc, un événement annuel où on célèbre le dernier dimanche de juin dans le Michigan. C'est une série de festivités rétro. Et j'imagine avec tout plein de bûches partout. Effectivement, rétro, hein? Oui, de bûches. Ouais. C'est donc bien bizarre. Et ben voilà, c'est le top des fêtes à célébrer dans le mois de juin. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur assemblagerequis.com, je vous ai passé aussi la liste des festivals. Hein? Ça, c'est mon pluriel pour festival. Ah, ouais, ouais, ouais. Du mois de juin. Entre autres, le Demolition Derby. T'as la journée de Spock, t'as un festival avant du duct tape. Il y a un paquet d'autres choses, allez voir ça sur assemblagerequis.com. Le festival du RC Cola et des Moon Pie, ça c'est le genre de demi-là. Oh. Il y a un festival juste de ça, ça a l'air cool. Hein? Ouais. Ben oui, ça veut dire que tu manges ça puis tu bois ça. Ça ressemble à ça, hein, je trouve. Okay. Nous, on va essayer de rendre hommage à ça tantôt, mais dans un autre style, en buvant et en mangeant dans la chronique La bouffe et la malbouffe de la semaine. J'ai hâte, là. C'est en fin d'émission, donc prends ton mal en patience. Il reste encore 1h30 minute. T'es tellement agace. Je le sais bien. Voilà pour son foutu palmarès. On fait ça quand ça nous adonne pour remplir du temps en fin d'heure. Ça dit de même, ça a l'air un petit peu bizarre. On va prendre une pause. OK. Ouais, et tantôt, on va voir King Sexy Time. Ça fait longtemps. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait King Sexy Time? Au moins 2 semaines. Toi, ça fait un bon mois et demi. Hein, plus que ça. Mmh? Moi, on faisait pas kinky ensemble. C'était soit le lundi ou le mardi. Moi, j'étais là le mercredi, jeudi. Donc, ça fait des mois. Ah, quelle formule intelligente. Si seulement ça pouvait continuer comme ça. Ah! Pour l'instant, on prend une pause. On revient avec une deuxième heure d'assemblage qui reste. La radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis pour la semaine du 16 juin 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plon. Ouh, oui. Dans cette émission et dans cette heure en particulier, on va voir King Sexy Time, on l'a dit tantôt, mais ce qu'on a aussi dit précédemment, on a annoncé ça et c'est un moment qu'on aime tous parce que c'est le moment où on peut enfin faire quelque chose de l'argent qu'on mérite. Ben oui, qu'on a, on en a tellement, on ne sait plus quoi faire avec. Une ressource illimitée et renouvelable. Oui, d'argent. Les arbres. Les arbres. Le papier, ça. C'est ça, et ça sert à imprimer. Ouais. J'avoue. On a beau être pour l'environnement, mais c'est pour faire plus d'argent. C'est ça. En tout cas. Hein? Donc, on la dépense dans une chronique qu'on a étrangement avec, j'imagine, une certaine raison nommée « Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a ». Ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets inutiles à se procurer sur Internet. Je dis gadgets, mais c'est pas tout le temps des gadgets. C'est pas obligé d'être électronique non plus. Ouais, mais on parle là, des cossins. Là. Des affaires, des patentes, des choses, des trucs, si on veut. Hein? Donc, commençons avec quelque chose que je trouve quand même assez intelligent. C'est un verre. En fait, c'est un thermos connecté. Parce que tu sais, de nos jours... Connecté. C'est ça, connecté à l'Internet des choses, comme on appelle l'Internet of Things. Parce que c'est bien beau avoir une montre connectée, un téléphone connecté, une bague connectée. On a parlé la semaine passée d'un ventilateur connecté. Mais elle, là-dedans. Ben oui, pour petite tasse. C'est sûr que c'est la prochaine. C'est sûr que c'est la prochaine. Et lave-la. Ça s'appelle Vessel, V-E-S-S-Y-L. Donc, après les lunettes et tout le reste de connecté, c'est un ancien étudiant en informatique biomédicale à l'université Queen's de Kingston. Justin Lee s'est associé avec le célèbre designer suisse Yves Béard, qui est celui qui a, entre autres, fabriqué le design du Jawbone. Ça, c'est des haut-parleurs. Ah, ouais. C'est beau, ça. Mais, hein. Voilà, donc, il fait le design de ce Vessel, V-E-S-S-Y-L. Donc, c'est une tasse connectée qui va être disponible au début de 2015, mais on peut déjà la précommander en ligne. Une des fonctionnalités principales de Vessel qui se présente sous la forme d'un thermos, c'est d'identifier le liquide que vous versez dedans. Donc, évidemment, comme nous dit l'article de Huffington Post Canada, il y a des bonnes chances que vous sachiez déjà le liquide que vous versez dans votre thermos. Mais ce n'est pas là la seule utilité. L'intérêt, au-delà de faire deviner à la tasse si elle est remplie de Pepsi ou de Coke, parce que The Verge nous dit que oui, on peut déterminer avec Vessel si c'est du Pepsi ou du Coke. Ou du RC Cola, on en a parlé tantôt. Ben tu ouais. Tu fais fourrer, là. Non, c'est pas vrai, c'est bon du RC Cola. C'est un des seuls colas qui n'est pas Pepsi ou Coke que je trouve bon, ça. Mais bon. Le Dr Pepper, est-ce que c'est un cola? Non. C'est ni cœur brune, mais c'est pas un cola. Mon Dieu, tu me dis ça comme si t'étais super insulté. Ben là, comment? Ben, explique-moi pourquoi c'est pas un cola, c'est brun? Je sais pas, c'est une très bonne question. En fait, peut-être que c'en est un. Ben, probablement, mais c'est brun. Je trouve que la texture buccale, la jupe... C'est brun. Ouais, mais c'est plus poivré. Mais c'est brun. Mais ben, c'est normal, c'est pas le même goût. C'est pas le même produit. Mais mettons, parce que là, ton excuse est, mais c'est brun, OK? Si, mettons, je te donne une boisson au bleuet, mettons, une eau pétillante au raisin... Mais non. Est-ce que c'est du Sprite? Non. Mais ça n'a pas rapport. Non. Wow, t'as peu. Du Sprite, c'est une marque, là. Cola, c'est pas une marque, là. Ah, j'avoue. Ah, ouais, la twist est là. T'as raison, la twist est là. Du cola, c'est pas du coke. C'est pas... T'as bien raison. Je pense que je te donne le point. J'ai changé d'idée. T'as raison. Yes! Bon. Donc, en réalité, le but est de renseigner l'utilisateur sur le contenu nutritionnel de ce qu'il boit et plus généralement sur ses habitudes de consommation en synchronisant toutes les informations sur son téléphone intelligent via une application dédiée baptisée Prime, P-R-Y-M-E. Donc, à la manière d'un tracker, sur le principe des capteurs qui intègrent les bracelets connectés, comme les montres, entre autres, Vessel peut donc vous dire si vous avez assez été hydraté pour la journée et si vous avez consommé trop de caféine ou de sucre ou encore le nombre de calories que vous avez ingurgité. Donc, quand tu verses ton liquide dans le Vessel, l'application Prime va te dire « là, peut-être que tu devrais slacker à liqueur », des trucs comme ça. Ou t'as pas encore bu ton 8 litres d'eau par jour, chose comme ça. 8 litres? Je sais pas, là. Aïe aïe! Non, je sais que c'est pas 8 litres, 8 verres, je pense. Mais bon. Bref, fiez-vous plus sur Vessel que sur mes informations. Ouais, c'est ça. L'article est sur assemblagerequis.com, ça s'en vient en 2015. Maintenant, les Slinky. Les Slinky, la seule chose cool d'un Slinky, c'est de regarder descendre les marches à l'infini. Hein? Ou de faire un porte-crayon avec. Ah, j'avoue, on s'en est jamais servi comme porte-crayon. On a un Slinky dans le bureau, ça. Il servait de porte-lion. C'est vrai, il y avait un petit lion en toutou qui se posait sur le Slinky, mais ça, c'est son droit, je le juge pas. Donc, vous avez peut-être vu sur Internet la vidéo du Slinky sur un tapis roulant. Donc, Credible Labs vient de reproduire ça dans la vraie vie. C'est le projet NESM, Project NESM, qui veut dire Never Ending Slinky Machine. Ça essaie de reproduire cette vidéo virale-là de Slinky à l'infini sur un tapis roulant. Donc, wow, c'est vraiment cool. Project NESM a été fabriqué pour la seule et unique raison de faire marcher un Slinky sans cesse. C'est connecté à une source d'électricité via USB. Donc, vous déballez le Slinky, vous le mettez sur le tapis et ça part pour toujours. Vous devez fournir 35$, non, 59$ américains sur Kickstarter pour avoir votre Never Ending Slinky Machine et recevoir un Slinky comme récompense. Donc, vous allez avoir la machine et le Slinky, le vrai produit, là. Comme dans un vrai magasin, pas une imitation cheap. Là. Un Slinky de Max Slinky? C'est quoi la marque de ceux qui font Slinky? Slinky Inc. Hein? Non, je sais pas. Sûrement, ça, oui. Probablement. C'est tellement profondément inutile, mais à quel point qu'on en veut un, c'est intense. Là. C'est satisfaisant pour vrai, un Slinky. C'est comme de la glu, ça sert à rien, mais c'est le fun à avoir. Ça. Puis touchez-y pas. Puis quand quelqu'un vient dans le bureau, je le cache. Je trouve pas la compagnie qui fait. Slinky Toys, voilà. Bon, ensuite, un bateau pour une seule personne. C'est le Ultra Skiff Angler 360. C'est un petit bateau rond avec un siège qui tourne. C'est laid, hein? Parce que ça ressemble à un pédalo rond. Vraiment. Donc, ça permet 360 degrés de pêche et de plaisir rotatif. Ça vient avec tout ce qu'il faut pour un bateau. Là. Ça vient avec un compartiment, genre coffre à gants, si on veut. Un truc pour mettre ta canne à pêche. Tout est là. C'est cool. Hein? Une petite vidéo d'instruction sur assemblagerequis.com, bien sûr. On dirait le dessus d'une coupole satellite. Ah, ben oui, j'avoue. Mais en plus grand, mm-hmm, c'est vraiment laid. Moi, je serais pas bien. Il n'y a pas assez de profondeur pour m'assurer une sécurité. Les côtés. Ah, c'est plus fait en forme. Je dirais que c'est presque fait en forme plus d'une assiette que d'un bol. Dans ce cas, vous n'avez pas de rebord sur les côtés. Ouais. Mais tu vois que le gars va jusque dans les quenouilles, je sais pas trop quoi. Il va mettre son chandail dans un petit compartiment, va rabaisser le truc et va pouvoir renvoyer ses poissons qu'il a eu peut-être dans un autre compartiment. Il peut vraiment faire un tri. Il y a comme trois compartiments tout le tour de ça. C'est le Ultra Skiff 360, brevet en instance. C'est peut-être parce que j'ai peur de l'eau que je me sens pas bien quand je regarde ça. J'avoue, t'as l'impression que tu vas chavirer. Chavourer. C'est chavoureux. Mais il y a ce qu'on appelle buoyancy. Tu sais, comme une bouée qui va tenir tout le temps droit. Il y a ça à l'intérieur. Donc, c'est comme une bouée qui va t'assurer de ne pas chavirer. Chouette. Qu'ils disent, hein? Je suis tellement malchanceuse. Check-moi pas, je chavirais ça. Ah! Check bien Guy Mongrain qui va te charivarer ça. Charivarer. Ouais. Les vieux téléphones, tu sais, avec une roulette. Ouais. C'est le fun. Ben, c'était long. C'était long un peu. Trompe-toi pas. Non, il fallait attendre que ça revienne au début. Puis si tu te trompais, il fallait recommencer. Puis repaiser sur la gâchette. mais bon, donc, c'est facile de faire une erreur. Ici, on peut reproduire le tout pour le iPhone avec un case, un étui, avec le même principe à l'arrière. Par contre, tu peux pas faire d'appel avec le cadran. Oh, ben ouais. Non. Là, j'allais dire c'est hot, mais ce n'est pas tant. Ben, au moins, le gars il a mis l'effort que quand tu fais un numéro, ça va retourner à sa position d'origine. Donc, comme le vrai, tu vas avoir le feeling au moins de pouvoir composer avec ça. Donc, c'est grâce au miracle de l'impression 3D. Le designer Joa Baldwin a réussi à reproduire le système des téléphones à roulettes sur un étui iPhone. Il y a une petite vidéo pour vous montrer comment ça tourne tout tranquillement, tout doucement. Il faut composer chez Pouiz, hein, pour pouvoir acheter son Rotary Dial iPhone case pour environ 20$ américains. Ouais. C'est pas assez vintage, les chiffres sont pas pareils comme sur les téléphones que je me souviens. À moi, évidemment, il y avait plusieurs sortes de téléphones, là, plusieurs façons, le look, l'apparence de ça. Mais moi, ça me rappelle pas de souvenirs comme d'autres looks peuvent me rappeler un téléphone rotatif comme ça. Mais c'est sûr que sur un iPhone, n'attends-toi pas à ce que... Ouais. Ça te rappelle vraiment 100%. J'avoue. Mais je sais pas, c'est bizarre, c'est comme blanc avec des chiffres noirs, il me semble que... Non. Très, très rapidement pour celui-là, parce que vraiment, il n'y a pas de détails, mais c'est un blender qui fonctionne au gaz. Non, tout de suite. Allô, l'environnement? Ben, c'est ça, exactement, parce qu'on se soucie de l'environnement et on peut encore aujourd'hui acheter un blender à 300$ qui fonctionne au gaz. Il y a même ce qu'on appelle un Daiquiri Whacker. Je sais pas c'est quoi la subtile différence entre les deux, mais c'est deux blenders à gaz. Mm. Ouais. C'est disponible sur Amazon.com, le Tailgater Gas Powered Blender pour 320$. Il en reste 5 en stock. Sur combien? Non, c'est pas une question de sur combien, il en reste 5 en stock. T'en achètes un de 5, il y en a 5 en stock. Le décompte, c'est 5. Yeah. Mais ça, c'est parti à 5? Mais non. Mais il y en avait combien au total? Je te demande si les gens en ont acheté. Ah, ça, il n'y a pas ces informations-là sur Amazon.com. Ce serait drôle si chaque article s'était marqué en passant, il y en a eu 19 000 jusqu'à maintenant vendu. Ce serait cool. Mais non, mais s'il y en a 5 en stock, mais ça veut pas dire si ça marche ou pas. Quand ils ont presque tout vendu, il en reste juste 5. Ouais, mais si, ils en avaient 10. Mais quand tu vas chez Walmart et qu'il reste 5 produits sur la tablette, tu demandes ça au vendeur, t'en avais combien au départ? Ouais. Il doit vraiment te trouver particulière. Différente. Les melons d'eau, c'est bon, hein? Le jus de melon d'eau. Moi, j'aime pas le fruit, le melon d'eau. Je trie pas bien, mais le jus, le melon d'eau. Ben, prends un melon d'eau, écrase la fourchette, puis ça va te faire du jus. Mais non, c'est trop compliqué. Je voudrais pouvoir faire comme pour de l'alcool, puis avoir un petit distributeur avec un bec verseur. Comment? Un melon d'eau en fût? Mettons un melon d'eau en fût. OK. Un filon d'eau? Un melon fût? Un mufilon d'eau? Je sais plus, là. Donc, c'est le Watermelon Tap Kit qui contient ce qu'on appelle un shank et un draft. Donc, vraiment pour faire du fût avec ton melon d'eau. C'est vraiment ça. Donc, ça fait un trou. Ça nous dit, en fait, de manger l'intérieur du melon d'eau. C'est ce que ça nous dit de faire, OK? Là, je vous donne les étapes. OK. Vous videz le melon d'eau de son contenu en faisant des petites boules, peut-être. OK. Vous coupez un trou. Près du bas, vous insérez le truc de fût, vous remplissez le melon d'eau de votre mélange alcoolique préféré. Peut-être OK, que mais ça fait pas du jus avec ton melon d'eau. Ben, tu pourrais potentiellement, si tu voulais prendre, peut-être, mettons, le blender électrique de tantôt, à gaz, ouais. Blender à gaz, faire du jus d'enfant avec ton melon d'eau pour faire un genre de smoothie alcool-melon d'eau. Okay, tu mets ça dans ton melon d'eau. Dans ton melon d'eau. Pour avoir un shaft, un draft. Un distributeur. Un shaft de melon d'eau. Ça, c'est quand t'es vraiment rose, là. Puis qu'il y a des petites graines dedans. Hein? OK. Ça va te faire un beau, moi, je sais pas, un mélange de melon d'eau et d'alcool. Moi, je trouve ça cool. C'est sûr que ça aurait été le fun si t'avais juste auto-blendé ton melon d'eau et sorti du jus. Ouais. Mais c'est pas très réaliste. Mais sinon, comment ça fait pour tenir ça à table? Faut que tu t'enlèves une tranche de melon d'eau en dessous. Tu veux que ça tienne? Ouais. Puis là, ça se met à couler parce que t'as comme une blessure de melon d'eau. Peut-être sinon juste monter un petit truc de métal pour tenir sur mais la table. Mais ça va devenir laid, là. Ça va devenir laid. Le but, c'est que ça soit beau, c'est un melon d'eau. Tu sais, ils vendent des espèces de trucs que tu plantes dans ton citron ça te fait du spray. Ouais. Je sais pas si ça marche, hein? Ça va être long à boire, c'est foutu avec des sprays de melon d'eau. Non, on s'entend que c'est pas pour le boire, mais c'est parce que je trouve que c'est un peu le même principe. Si celui-là à spray fonctionne, je me demande pourquoi ça pourrait pas fonctionner puis de faire son propre jus. Il y a un manque de recherche là-dedans de leur côté, là. Il aurait dû se forcer un peu plus. Hein. Ben oui. Ouais. Un qui s'est forcé, par contre, c'est celui qui nous a offert ce concept-là. C'est une façon d'accrocher vos livres sur le mur si vous n'avez pas de bibliothèque. OK. OK. Donc, oubliez les tablettes. Hein. C'est le Hanging Book Rack. C'est un système de rangement qui vous permet de ranger 12 livres et sur le mur. Et Seigneur, 12? À la fois, évidemment, tu peux en acheter plusieurs. Ouais, c'est parce qu'on s'entend que ça m'en prendrait beaucoup. Je dois avoir minimum 200 livres. Aïe, aïe! C'est pour les petits lecteurs, mettons. Donc, 12 livres sur le mur en utilisant des cordes de coton ciré qui vont aussi servir de signet. Donc, les livres peuvent être accrochés façon normale, comme dans une bibliothèque, à la verticale ou encore sur le côté, donc à angle. En ajustant les petites plaquettes de bois, tu peux mettre différentes positions de ça et ça va faire que tes livres vont arriver à la même hauteur en bas. Parce que si tu vois sur la photo sur assemblagehockey.com, les livres sont pas de la même hauteur, mais en bas, là, sont de la même hauteur. Donc, c'est en ajustant les petites plaquettes de bois. Hey, ça doit être long, ranger ça là-dedans. Ouais, ben, je sais pas si c'est long à ranger, mais c'est quand tu veux pouvoir les lire que là, ça doit être compliqué à tout le temps les ressortir, les ben, ranger. Ben, c'est ça. Ouais. Puis, honnêtement, je trouve pas ça beau. Ah non, ça, je trouve ça beau, par contre, moi. Non, je me verrais pas avoir ça. Puis, tu sais, avec j'ai tellement de livres, faudrait que j'y sélectionne lesquels je veux exposer. Est-ce que tu vas par ordre alphabétique, par thématique, par couleur? Je sais pas. Parce que, ben, moi, c'est en ordre alphabétique là, dans ma bibliothèque. OK. Mais c'est parce que, comme je te dis, j'en ai tellement que ça pourrait pas marcher. Ça peut pas marcher entre lui puis moi. Non, c'est pas toi, c'est moi. C'est donc, ça. En ajustant les petites plaquettes, c'est ça pour la hauteur. Et sinon, ça vient en plusieurs sortes de bois. Donc, et différentes grandeurs. Donc, j'imagine que tu pourrais les essences de bois sont belles. Ah oui! Les selfies, Steph, c'est comme une maladie transmissible technologiquement de nos jours. Oui. C'est tout le temps agaçant de voir quelqu'un prendre des selfies. Mais ce qui est dommage pour ceux qui en prennent, c'est que t'es limité par la longueur de ton bras. Ben oui, si t'es beaucoup sur la photo, des fois, il te manque une tête, t'as juste Un milieu de face. Comment tu vas faire pour, mettons, tu vas aux Oscars pour prendre toutes les vedettes d'Hollywood dans ta photo? T'as pas un assez long bras. Je sais pas. Il va te falloir. Te falloir. Va me falloir. Oui. Le Quick Selfie Pole de Brando. Hein? Donc, il y a un bouton, évidemment, et un bâton. Donc, tu vas placer ton appareil sur le bâton et tu vas avoir un bouton à distance pour pouvoir prendre ta photo. C'est le fun, c'est discret. Très beau, hein? T'as pas l'air du tout d'une gang de touristes. Surtout quand t'es asiatique. C'est ça, j'allais dire. Je veux pas faire avoir non, de non. préjugés, là. Mais ça reste ça pareil, tu sais. Ça fait juste continuer le stéréotype. Donc, la poignée du bâton a un bouton pour déclencher l'appareil photo via une connexion Bluetooth. Il y a une batterie rechargeable à l'intérieur qui va vous donner jusqu'à 100 heures de stand-by. C'est pas nécessairement 100 heures de selfie. Brando a deux versions du Quick Selfie Pole disponibles. La version Android qui est compatible, devine quoi, avec Android. Et la version iOS qui est disponible avec quoi? iOS. Compatible iOS. 32$ par bâton. Vous avez deux appareils, vous allez devoir acheter deux bâtons différents. Si vous n'avez pas la même, c'est un Android puis un iOS. Voilà, donc c'est ça, c'est supposé être fait super solide avec un cadre ajustable à la fin du bâton pour pouvoir mettre votre appareil, dépendant de la version que vous avez. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours... Mettons qu'on veut des photos, c'est pas toujours l'idéal de demander à des passants. Moi, j'aurais peur qu'il fasse juste partir à course avec mon... Ton téléphone qui vaut des fois des milliers de dollars. Ouais. Les banques, pour mettre votre argent, il n'y a pas juste des cochons dans la vie. C'est bien beau un cochon. Mais des fois, tu vas pouvoir interagir. Ben, peut-être pas interagir, mais en tout cas, qu'il soit pas aussi passif. Qu'il soit un petit peu plus actif. Passif. Passif, ça veut dire qu'il fait juste... C'est vrai qu'une tirelire, c'est assez passif en général. Ben, d'habitude, t'as une fente, puis c'est pas mal juste toi qui as la satisfaction. La banque, elle, a l'air de s'en foutre vraiment beaucoup. T'sais. Fait que t'as beau y mettre tout ce que tu veux dans la fente, t'es jamais satisfaite de ce que... C'est ça. Et comme on dit, quand tu maquilles un cochon, ça reste un cochon. C'est ou une cochonne, dépendant. C'est ça. T'sais, fait que nos deux blagues étaient pas mal différentes, mais dedans. Ouais. Donc, c'est la Face Bank. C'est une de ces banques électroniques qui est plus active que passive. Tu mets des pièces dans sa bouche et tu vas la regarder manger ta monnaie comme si elle était vraiment satisfaite de manger de l'argent. T'sais. C'est disponible pour 15$. Est-ce que tu regardes la vidéo? Ben là, c'est donc bien fou. Je sais bien. Ça, je te dis. On dirait un petit singe. Pour vrai, t'as l'impression d'accomplir quelque chose. Ah, il faut que je nourrisse ma banque, sinon on va avoir faim. Combien t'as dit? 15$. Hein? C'est not expensive. 15$ pour faire autant d'économies parce que t'as juste le goût de du bourré à la panse. Du bourré à la fente. Du bourré à la fente. La panse. Okay, la panse. Ouais. C'est Facebank sur assemblagejockey.com. Encore une fois, 15$, si peu cher pour avoir l'impression d'avoir un ami. Puis t'as-tu différentes couleurs? T'as rose puis mur de briques, c'est ça? C'est ce que j'en ai vu à date, oui. Sur Amazon.com, même que la... Attends un peu. Ouais. La boîte est bleue, mais c'est rose à l'intérieur. Ouais. Malheureusement, je ne vois qu'un modèle rose sur Amazon, mais sur l'article, il y a en effet un modèle brique. Est-ce qu'elle est satisfaite avec toutes les sortes de monnaies? Je sais pas. D'après moi, c'est... ouais, j'imagine que c'est juste une... Tu pourrais sûrement mettre, oui, tes ballomatiques de laveuse là, dedans. Ça marcherait probablement. Ça me surprend le bingo qui détecte. C'est pas une machine qui va te faire du change, là. Ah, elle fait okay. juste accepter l'argent. Puis ça, tu pourrais sûrement mettre des cents en chocolat. Ben non, je vais manger moi-même. Ah, j'avoue. Je vais les mettre dans ma bouche à moi, puis je vais faire ça. Le même mouvement que la face. Ouais, oh, hein, c'est ça, c'était pas évident à radio, là. Le hammock backpack. Tu sais, un hammock, c'est bien ben le fun. C'est probablement la chose la plus confortable, je trouve. Quand t'as réussi à être couché dedans. Ouais, j'avoue. Des fois, j'ai besoin d'aide. Moi, je suis pas grande, là. Fait que c'est pas évident, hein. Toi, t'as des grands jambes. Hey, veux-tu bien les insultes? C'est non, pas une insulte. C'est un compliment. C'est un fait. C'est juste un fait, OK. Donc, le vent dans les voiles, dans un hammock, c'est toujours bien plaisant. Il vous faut le Hack Pack parce que, comme son nom le dit, c'est un sac à dos qui a été hacké, OK, pour intégrer un hammock dedans. Wow! Directement dans le sac à dos. Donc, c'est ça. Aussi, vous avez envie d'avoir du vent dans les cheveux, tirez votre hammock de votre sac à dos. En quelques secondes, nous dit-on, pour le déployer, et grimper dedans pour 115$. Ça veut. Quelques secondes le déployer, 15 minutes minimum pour l'attacher, j'imagine? Environ, et ensuite monter dedans, dépendant de l'aide que t'as, ça pourrait prendre une demi-heure ou deux. Mais une fois que t'es dedans, faut pas que t'aies envie de pipi. C'est ça. Ah, mais je trouve ça cool comme principe. Moi aussi. Ouais. Tu sais, dans un hamac, des fois, on dort, hein? Oui, ça se peut, oui. Mais quand t'as envie de dormir et que t'es pas dans ton hamac, parce qu'on s'entend que dans un hamac, c'est assez facile de s'endormir, c'est tellement confortable. Quand t'es dans ton lit, des fois, tu peux avoir de la difficulté. Des fois, t'as besoin de musique pour t'endormir. Donc, la nouvelle iMusic Pillow est faite pour vous donner un sommeil plus paisible en vous envoyant votre musique préférée pour vous endormir. Tu pourrais mettre les petits sons de tantôt que t'as mis sur YouTube, là. La petite fille qui chuchote, là. Ah oui, puis qui déballait un cadeau, là. Ouais, c'est ça. C'était-tu loser, cette histoire-là? Tu pourrais mettre ça dans ton oreiller. Une chance que j'ai pas ce fétiche-là, hein. Pour vrai, là. En tout cas. Oui, tu pourrais mettre ça dans ton oreiller si tu veux, parce que ça fonctionne par Bluetooth. C'est connecté donc avec un appareil Bluetooth, bien sûr. Tu vas pouvoir jouer tes chansons préférées et des pièces de relaxation sans fil, sans stress. Il y a un haut-parleur à l'intérieur de l'oreiller. Et ce qui est intéressant, c'est que le haut-parleur est fait pour que son volume ne dérange pas les autres dans la pièce. Son son est dirigé vers tes oreilles. Intéressant. Très intéressant. 37,95$ sur Amazon, c'est pas trop cher pour un oreiller. On s'entend, ça ne doit pas être un oreiller orthopédique ou Savico... Ouais, mousse-mémoire. C'est pas Naturo oreiller science 160$ et autres. Que j'en veux quand même une. Z-Bed. Z-Bed. 160$. Plus taxe ou avec taxe? Hein? La Z-Bed. Ben, c'est plus taxe. Plus taxé. Donc, allez-y pour ce petit oreiller-là à 40$. Pour ceux qui n'ont pas de problème de dos, là, vous êtes capable. Tu sais, ceux qui prennent. Vous êtes capable. Non, mais ceux qui prennent un oreiller à 3,95$ dans une grande surface. Là. Ouais. Le magasin n'est pas l'oreiller. Ouais. Parce qu'elle coûte plus que 4$ quand tu prends une grande surface d'oreille. Est-ce que t'aimes les insectes? Ça dépend. Un scorpion, mettons? Dans Mortal Kombat, non, parce que mon chum me bat tout le temps avec. Non, j'aime pas les insectes. OK. Est-ce que t'as déjà mangé un scorpion, le personnage de Mortal Kombat? Pas à ma connaissance. Tu pourrais te commander des cannes? Non. D'insectes? Ouais. Non. Chez Thing Geek. C'est le Edible Bugs Gift Pack. Ça a l'air vraiment, vraiment dégueulasse, mais elles sont faites pour être mangées. Tu reçois 5 cannes lorsque tu commandes, chacune avec un insecte à l'intérieur et une saveur pour que ça passe mieux dans le gorgoton. Ah. T'as donc bacon et fromage sauterelle. Okay. T'as barbecue vert bambou. T'as des affaires de la mer, là, algues. Oh, j'ai mal au cœur, je suis là regarder, j'ai mal au cœur, je suis pas capable. Scorpion aux algues, saveur de nori, je connais pas trop ça. Et t'as des fourmis. Nori? Nori, c'est quoi? Ce qu'il y a autour des sushis. Parfait. Et t'as aussi fourmis reines salées. Ouais. C'est dégueulasse. Et t'as criquet wasabi. Oh, criquet! Hey, ça veut-tu que de chez nous, là, j'entends tellement les criquets forts, j'ai l'impression qu'ils sont posés sur le bord de ma fenêtre. Je te dirais que oui, tu l'as dit en ondes en plus, mais c'est intéressant une fois, ça reste intéressant mais une deuxième fois. J'ai l'impression qu'il y en a juste un. Hier, j'ai été plus attentive. On dirait qu'il y en a juste un qui crie. Je l'ai même enregistré. Ah ouais? Ouais. Tu vas nous faire jouer ça tantôt? Tu veux-tu? Ouais. OK. Ce serait cool. Mais pour savoir combien il y en a, là, fais juste des Marco. Puis ils vont te répondre. Polo! Polo! S'il y a juste un polo, c'est qu'il y a juste une personne. Tu penses-tu? Ouais. Donc, c'est ça, scorpions et autres à manger via Thing Geek. Ensuite, Nanobloc, c'est des lunettes de soleil pour les gens qui aiment les Legos. Mmh. C'est vraiment, vraiment cool. Pour vrai, même sans les blocs Lego dessus. Ben, en fait, c'est pas des blocs Lego en tant que tels. Imitation. C'est ça parce que c'est plus petit un peu que des blocs Lego. C'est des petits Lego? Non, il y a le nom plus tard dans l'article, c'est les Nanoblocs. Les Nanoblocs. Oh, c'est cute! C'est cool, hein? Donc, c'est ça, tu vas pouvoir faire ta propre construction. Tu peux même mettre des petits bonhommes Nanoblocs sur les côtés, tu sais, des petits bonhommes. Hein? Comme dans les blocs Lego. Je sais pas. Ça ajoute de la couleur à votre vie, bien sûr. C'est des lunettes de soleil qui sont complètement personnalisables. Pas grand détail donc ça. Ça fait du stock pas mal d'en face, je trouve. Ouais, c'est pas mal ça. Tu pourrais peut-être imiter le bout de tête de Nerd, mais avec des blocs. Ah! Oh. C'est bon, hein? Tu peux t'acheter tes propres Nanoblocs Sunglasses sur Amazon pour environ 45$ américains. Mais moi, pour vrai, sans les blocs, j'y trouve vraiment cool. Ben oui. Ils sont vraiment, super belles. Vraiment. Allez voir ça. Ouais. Cool. Ensuite, le matin, Steph, combien tu bois de café? Ça dépend. Mettons en moyenne. Ah, honnêtement, c'est rare que je bois mon café le matin. Je préfère le boire au courant de la journée. Ah. Même surtout le soir ou en travaillant l'après-midi. Je me suis acheté du décaféiné justement pour en boire le soir. Mais tu sais qu'il y a de la caféine dedans quand même. Oui, mais il y en a tellement moins. Ouais, mais il y en a quand même pas mal. Non, j'ai regardé, c'est okay. Genre 5 mg au lieu de comme 250 à 300 pour une tasse. Parfait, ça dépend de la marque, j'imagine. Parce que... ouais. Ouais, c'est pas approximatif. Que dirais-tu? que dirais-tu? Cette formulation-là, attends un peu. On va recommencer avec une autre sorte de phrase. En boirais-tu 20? Si j'avais le temps, peut-être. Peut-être. Moi aussi. sûrement juste pour le goût. Mais avec World's Largest Coffee Cup, c'est une tasse de 10 livres qui contient l'équivalent de 20 cafés normaux. Wow! 20 tasses de café. C'est une énorme tasse. Oh mais... mon Dieu, elle est énorme. Ah, mais super belle en plus. C'est qu'elle a l'air d'une tasse, mais juste en plus grande. tu regardes, il y a un bagel à côté puis un petit plat de je pense de sûrement de moi, fromage je pense à la crème. Que c'est la face de la mascotte qui me fascine. La face, ah, c'est dans la photo numéro 3. Le petit monsieur. Oui. Ben, 2 et 3. Le gars est au bureau avec sa tasse dans la main. Il faut vraiment qu'il la tienne à deux mains, évidemment. Je mais oui. C'est assez clair. Ça me fait penser à moi quand j'allais au cinéma la dernière fois qu'on a pris le format familial. La liqueur, c'est vraiment 1 litre dans un verre en plastique. Hein, j'en veux! Fallait que je la prenne à deux mains tellement c'était gigantesque. C'est fou. J'adore. Une tasse et tout ce dont vous avez besoin. C'est fait de porcelaine de haute qualité. Tu me diras à quel cinéma ils ont cette affaire-là, puis je vais y aller aussi. Donc voilà pour la tasse la plus grosse du monde, disponible sur Hammaker Schlemmer. Combien? Pour le bas prix de 50$. Ah, c'est cher. Ben, c'est cher, mais c'est de la porcelaine d'autre. Ouais. C'est ton bain fait en porcelaine, peut-être? Ah, ben je pourrais remplir mon bain de café puis m'asseoir à côté. C'est ça. Une grosse paille, faire mon lavage de l'autre main. Tu sais, quand t'as le choix entre une petite tasse normale, la tasse plus grosse, puis ton bain, va directement au gros format. Ben voyons là. On reste dans le domaine de la caféine. Si tu n'aimes pas le goût du café, premièrement, comment fais-tu? Parle-nous. C'est ça, on va pas de toi. Mais vous avez besoin de votre dose de caféine, mais vous ne voulez pas boire de café en tant que tel. La plupart des drinks d'énergie ont des fois un arrière-goût. En tout cas, les gens, des fois, n'aiment pas le goût d'une boisson d'énergie. Moi, je ben là, c'est pas bon. En plus, ils n'aiment pas le café, les boissons énergisantes, puis tu veux la caféine, ben, mange chocolat. Mange chocolat ou encore, procure-toi Caffeine All. Caffeine All. C'est un drôle de jeu de mots, là, mais Caffeine All. Parce qu'il y en a dans tout, la caféine, c'est caféine dans tout. Ouais, c'est le but de la chose. C'est comme un genre de sel de caféine. C'est cool. Donc, c'est la caféine en poudre qu'on sprinkle un petit peu partout sur sa nourriture, dans des soupes, dans des boissons, pour avoir un petit kick de plus. Donc, Caffeine All, le marketing dit que c'est une formule alternative abordable aux autres sources de caféine. Non seulement tu peux le saupoudrer un petit peu partout, mais en plus tu peux créer ta propre nourriture énergétique n'importe où, n'importe quand. Donc chaque sprinkle contient environ 100 mg de caféine. On recommande 3 shakes maximum par jour. Sinon, ton cœur, boum, boum, boum. Ben oui. C'est assez simple. Faut pas oublier qu'il y a de la caféine dedans. Oui. Des fois, on pourrait avoir tendance à... C'est tellement bon au goût de vouloir en mettre un petit peu partout. Mais c'est assez facile d'avoir une crise cardiaque avec ça. Donc, on ramasse de l'argent en ce moment sur Indiegogo. On demande 15$ pour une bouteille de Caffeine All qui va vous faire jusqu'à 200 shakes. Et si on demande 3 shakes par affaire, là, vous faites votre propre caffeine. Non, ben maximum. Oui, ça peut être un, ça peut être deux. Mais ça revient, c'est beaucoup plus avantageux qu'une boisson énergisante. Si tu dis qu'une boisson énergisante, on va arrondir très bas. Si c'est 3 piastres, ben en 5 boissons énergisantes, t'es rentré dans ton argent. Plus, tu as dit combien? 200? Oui. Mais tu rentres dans ton argent comme dans le temps de le dire. Hein? Décision facile à faire, là. À prendre. Malgré que le goût des boissons énergisantes... Ah, miam! Si j'en prends une, c'est principalement... Ben, oui, pas mal pour le goût. Moi, je dirais 50-50 goût et ce que ça me donne comme effet. C'est bon. C'est laquelle ta préférée? La bleue. C'est la saveur de bleu. À saveur de bleu. Mais c'est, souvent, quand ça goûte le bleu, ça goûte le bleu, tu sais. OK, comme la framboise, je fais des gros guillemets bleus. C'est ça, exact. OK. C'est vraiment ma préférée. OK. Ouais. Ou celle ou mocha. C'est le mocha. C'est comme brun, genre beige, les canettes. Ah, là. Oui, oui. C'est comme crémeux. Mais c'est pas Starbucks qui fait ça? Il y en a chez Starbucks, mais il y en a d'autres compagnies. Monster fait ça. Oui. Mocha, oui. Génial. Ah, OK. Pour vrai, j'adore ça, même s'il y a... T'as comme le mélange de café... boisson énergisante dans la même... Si il la faisait pétillante, là, t'aurais les 3 facteurs. Ah, je suis pas sûr que ça serait bon. Café pétillant? Ah ouais. Ah ouais. Il y avait de la liqueur au café, choix du président, il y a quelques mois. Je sais pas s'ils en font encore, j'adore ça. C'est beaucoup trop sucré pour moi, mais j'adore. Mon Dieu, il y en a qui ont des idées étranges. Miaou, choix du président, ce sont ceux qui ont le plus d'idées étranges possibles au monde. C'est vrai, hein? Je les adore, là. Votre mauvaise conduite, Madame Stéphanie Paradis? Je conduis super bien. Je sais bien. Parlons de la tienne. Oh non, excuse, t'as pas de permis. Bon, ben si je conduisais, je conduirais sûrement mal. Probablement. Probablement. Donc, il me faudrait le parking armor. C'est un padding, pas l'ours Paddington, mais c'est un padding qu'on met derrière sa voiture sur ton bumper, sur ton pare-brise en français. Un pare-choc. Donc, c'est un truc de coussin que tu mets sur ton pare-choc, et comme ça, si tu fonces dans quelque chose, une bonne fontaine ou peu importe, ben ça va moins gâcher ton char. Ah ah! Et l'autre voiture, peut-être, si c'est une autre voiture. Le cas échéant. Moi, je serais gêné d'avoir ça. Parce que, tu sais, c'est écrit, là, parking armor, là. Ouais. Tu sais, c'est écrit, là. que c'est parce que tu rentres dans le monde, là. Sans vouloir faire de préjugés ou de... T'sais, mais on dirait que t'aurais comme pas le choix d'avoir une petite vignette de personnes handicapées en avant sur le salaire. Mais bon, justement, là, t'sais, c'est rien de... Oh, mais y a personne qui ferait le lien. Non, hein. Eh boy. Eh, Seigneur. Tu sais, sur les téléphones intelligents, il y a plusieurs applications d'horloge. Et il y en a une, entre autres, qui est populaire. C'est que l'application va te dire qu'il est, mettons, 8h15, 8h15. À la place de te dire 8, 2.15, ça va être écrit en texte. Ah, oh, mon Dieu, hey, c'est pas évident à 3h du matin, ça? Et ouais, de déterminer quelle heure qu'il est. Ouais, faut que tu lises, faut que tu interprètes. J'avoue que c'est un gros défi. Mais Flip Clock... ça s'inspire de... Oh, c'est un flip en plus, je trouve ça tellement beau. Ça s'inspire non seulement de la mode d'écrire l'heure en texte, mais aussi, comme tu l'as dit, des plaquettes qui font flip, flap, flap, flap. C'est beau, ça. C'est très, très le fun. Donc, c'est en anglais seulement. Disons qu'il est 7h45, ça veut dire qu'il est 8h moins quart. C'est pas super précis, mais quand même. Donc, allez voir Flip Clock, est disponible sur uncommongoods.com. On veut savoir combien ça coûte. C'est étrange, c'est pas la police de caractère que j'aurais choisi pour le texte dans l'horloge. C'est pas assez rétro? Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Il y a un petit quelque chose qui cloche, je pourrais pas te dire exactement quoi. C'est trop récent, trop moderne. Ouais, c'est ça. Mais j'aime beaucoup le concept. Moi aussi, mais de toute façon, c'est pas comme si ça allait changer grand-chose parce que ça coûte 400$. Ouais, c'est ça. Un lavabo dans une cuisine, souvent, t'as pas assez de comptoir pour mettre ton petit rack pour faire sécher la vaisselle à côté. Ça gaspille toute la place de mettre un rack à vaisselle quand t'as une petite cuisine. T'sais? Ouais, je connais pas ça. J'ai vraiment beaucoup de comptoirs. Moi, je manque de place et j'aimerais avoir ce... Ouais, mais tu cuisines pas. Non, mais j'ai besoin de place pour, mettons, brasser mes pâtes ou beurrer mes toasts. Ou que ton chat te regarde faire la vaisselle. Passe au feu. Donc, il me faut le Oversink Roll-Up Drying Rack. C'est super simple, en fait. Pour ceux, entre autres, qui ont un véhicule récréatif, c'est difficile à dire, ça, ou une petite cuisine ou un yacht ou peu importe. Donc, ce gadget-là, ça va fonctionner sur la plupart des lavabos grâce à son... c'est comme une plaque grillagée, si on veut, de 20,5 pouces de longueur que tu peux rouler sur elle-même pour la mettre dans un tiroir. Ça résiste à la chaleur jusqu'à 400 degrés Fahrenheit. Et ça va aussi empêcher... vous allez pouvoir même poser votre... si je comprends bien, poser votre poêle ou votre chaudron sur le truc, qui est comme un genre de treillis, si on veut, mais seulement avec des lattes verticales. Fait que c'est pas un treillis pantoute. C'est comme, moi, un demi-treillis, si on veut. c'est comme une surface où t'aurais seulement des lattes d'un côté, et de l'autre côté, ben, ça te permet de le rouler, dans le fond. Vu que c'est pas quadrillé. Okay. Et donc, tu poses ça sur ton rebord, sur ton lavabo, sur les deux côtés, mettons, opposés, et ça va faire une plaque par-dessus ton lavabo où tu peux mettre, mettons, des fruits et légumes pour les faire égoutter. Ça sert de ça aussi. Et tu peux, comme je disais tantôt, mettre ta vaisselle pour la faire égoutter. Donc, tu peux mettre... Mais tu peux pas mettre beaucoup de vaisselle là-dessus. Hein? Non, pas grand-chose. Là. Mais mettons, tu es dans un véhicule récréatif. T'as seulement mangé peut-être avec deux assiettes, deux verres. Ben là, esprit, suis-les et branger dans l'armoire. C'est long, ça. Je pourrais aller me baigner à la place. Je pourrais aller... Hey. Voilà. Hein? Puis là, faut que je traîne des linges à vaisselle en plus. Non, mais après ça, si tu roules, ton assiette va glisser. Tu peux pas faire ça dans un véhicule récréatif. Ouais, non, j'avoue, faut un que ça soit... Un VR, qu'on appelle. Ouais. VR. RV. Laisse donc faire. Ensuite, tiens, tu sais pas s'il va faire beau ou pas beau dehors. Hein? Donc, tu veux pas avoir à traîner un manteau avec une capuche. Hein? Tu veux seulement traîner juste la capuche ou l'ajouter ben à n'importe quel chandail. Si fait froid... Tu sors ta capuche. C'est ça. Mais là, t'es au chaud. Le Style You Know vend le Lone Hood. Ça, c'est la compagnie Style You Know qui vend le Lone Hood, qui est un capuchon attachable qui change n'importe quel chandail ou chemise en hoodie. Hein? OK. Et on dit que tu peux même porter le Lone Hood, tout seul. Peut-être pas tout nu, mais... Tout avec ton petit capuchon. Oh, c'est cute. Non, mais tu sais, on s'entend que la fille sur l'image est super belle et elle a l'air hot. Ouais. Mais moi, avec ça, j'aurais l'air de que clown. Mais vraiment. Ah, oh, franchement, Steph. Non, mais on s'entend. Un top modèle peut porter un sac de patates. Elle a tellement d'attitude. Moi, tu me mets là-dedans et oublie ça, là. Bon, il faut que je te défende en disant, mais non, c'est pas nécessaire. Okay. Non, écoute, imagine-toi que la capine ou Hugh Jackman, maintenant. Tu peux parler contre toi, mais pas contre moi. Non, mais admettons, imagine-toi avec la café. Ah! Ils disent, la compagnie dit que c'est la meilleure invention de vêtements depuis le condom. Je savais pas que le condom est un vêtement, pas vraiment. Mais bon. Ben oui, parce que ça... Ça habille, ça. C'est ça. C'est ça. Allez voir les photos, dans les faits, plusieurs top modèles avec juste le hoodie. Et puis faites-vous votre propre idée. Ensuite, quand on va en camping l'été, on a besoin de son iPad, mais là, à un moment donné, quand t'es vaché dans ta chaise de camping, là, tu sais pas où, comment te placer avec ton iPad, c'est pas confortable. Il te faut la tablette lawn chair, qui est une chaise de camping portative, évidemment, avec un truc qui sort de l'embranchement de la Ah, OK, tu peux pas acheter juste le truc. Non, c'est avec ta chaise. Ah, c'est parce que j'aime tellement ma chaise. Que tu voudrais pouvoir attacher ça. Il y a sûrement oui, ça c'est aussi. Ça, pour, c'est ça. D'après moi, il y a d'autres façons de parce le faire. Parce que la mienne, elle a l'air tellement comme supérieure à la sienne. Ouais. C'est une chaise assez basique. Mais sur le côté, t'as aussi des petits compartiments pour mettre ton téléphone, ta lotion solaire ou peu importe. T'as aussi un petit porte-verre et, encore une fois, le bras pour le iPad. Moi, je m'excuse, j'ai un porte-verre de chaque côté. J'ai même une pochette, tu sais, là, avec le truc en dedans pour garder les aliments froids. Ouais, là. Ouais, ouais. J'ai même une pochette comme ça, avec un porte-verre comme ça d'un côté, puis l'autre en filet, plus les petits filets pour mettre mon iPod, puis tout. Fait qu'il me manque juste le petit rack là, pour la tablette, puis la tablette. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est parce que moi, j'en veux un. Ben, malgré, je peux peut-être l'arracher. Ah! Comment est-ce que c'est fixé après la chaise? C'est ça la question. Est-ce que c'est une clé? Parce que... Ah, bonne question. Bonne question. C'est combien? On peut-tu commander pour voir? Ouais, je pense qu'on devrait le commander juste pour l'essayer, puis on le renverra après ça s'il faut. C'est ça. Sur le site de la Maker Schlemmer, c'est 60$. Ouais, c'est pas si pire. Mais, moi, je trouve ça cher. Ben là, sais-tu combien j'ai payé ma chaise? Non. Ben, à peu près 40$ avec les taxes. OK. Fait que pour 20$ de plus... Tu sais, je pourrais avoir mon petit rack de même, mettre ma tablette. Puis 500$ ben de plus, je pourrais avoir une tablette. Aïe, aïe. Faut choisir ses priorités, hein. Ouais. Je m'assoirais dans le gazon, puis j'aurais une tablette. Ça ne dérangerait pas de pouvoir de chaise, pas. Bref, allez voir sur assemblagehockey.com pour le lien. Et pour terminer, après le iPad, c'est le iPhone. Mais ce petit... c'est un fil, en fait, qui est vraiment très, très cool. Sur la photo, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est un fil qui est assez solide pour que si tu tourbillonnes le fil sur lui-même, que tu l'enroules, ça devient une... ça se tient debout dans les airs. Ton on dirait qu'il vole. C'est ça. C'est que l'iPhone est connecté d'un côté du fil et de l'autre côté, c'est un fil USB. Et si tu le tournes de la bonne façon, ton téléphone va tenir dans les airs. C'est comme un stand qui s'appelle Magic. En effet, c'est pour c'est parce que ça ressemble à de la magie. Donc, il y a l'air de limiter. C'est vraiment cool. Donc, c'est basé dans le New Jersey. Martin Can Magic, qui est le nom de la compagnie qui a fabriqué ça. Ils ont ramassé de l'argent sur Kickstarter. Ça a bien fonctionné. Et vous allez pouvoir l'acheter bientôt sur le site du manufacturier qui est... Attends un peu, qui ne fonctionne pas quand je l'ai dessus. Martinka.com, M-A-R-T-I-N-K-A.com. Voilà. Tu sais, ça peut l'air intensément solide, mais c'est cool. Juste t'sais, pour faire parler tout le monde. Moi, non, c'est ça, tu veux juste comme le mettre là pour le tenir. Là. Impressionner la galerie, si on veut. Ouais, c'est ça. C'est un gadget. C'est juste vraiment cool. Vraiment. Donc, tous les liens de la chronique sur assemblagerequis.com, assemblagerequis.com, tout. Et voilà. Pour s'exprimer, ça ne devrait pas on l'a. On est déjà rendu à la prochaine pause. Hein. Je l'ai dit qu'aujourd'hui, on passait de pause en pause, en chronique en pause. Ouais, c'est pas oui. Tout ce qu'on fait. Ouais. On est à quelques... admettons, un petit peu moins d'une heure de manger et boire. Oh. C'est loin, hein? Ben, ça approche quand même vite, là. Plus vite qu'on pense. Mmh. Dans quelques instants, qui s'excite, mais pour l'instant, quelques messages. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Découvrir un autre univers. Dans ma grande gueule, on fait un voyage interplanétaire. c'est aller sur ce continent. T'as ma grande gueule, tout est en 3D, tu peux participer. C'est là où l'idée devient réel, où tout est un kaléidoscope, où mon esprit ouvre cette porte, où tout devient réel, où tout devient réel, où tout devient réel. Mordicus! Et la pièce de ma grande gueule, à son âge recul. Les petits oiseaux sont de retour. Oui. Comme toujours. Et je pense qu'ils ont envie. Oh, attention, j'en vois deux justement en train de copuler comme des petits fous. Voici Kinky Sexy Time. Ma! La mise en scène. Ça a l'air vrai. Je sais pas de quoi ça a l'air du sexe d'oiseau. Je sais pas. YouTube-moi ça. C'est sûr que c'est avec des petites graines. On fait encore des jokes de graines. Elle était facile tantôt, elle l'est encore. Ouais. Donc, c'est Kinky Sexy Time, oui, la chronique un petit peu plus osée d'Assemblage Requis. C'est la version, osée. Ben, c'est ça. J'essaie de trouver un synonyme. Tu veux que je t'en trouve un? S'il te plaît. Attends un petit peu. Synonyme de osée, parce que c'est pour un public plus ou moins averti. Osée. Donc, osée. On a audacieux, hardi, irrespectueux, risqué et téméraire. Oh! On s'entend, c'est assez large, là, ça va. Sinon, on a un autre... c'est comme un autre sens. On a croustillant. Croustillant. Croustilleux. Oh, non. Aigriard. Non. Mais je sais pas. Non. Aigriard, ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est ben, juste osé, j'imagine, c'est un mais synonyme, c'est, non? C'est juste un site de synonyme, ça me donne pas la définition. Épicé, graveleux, grivois, grossier, leste, licencieux, obscène, paillard salé et scabreux. Mon préféré, c'est grivois, je crois. Ouais. C'est cute, hein, grivois. Grivois. Ouais. Mais croustillant. Ouais, OK. Donc, c'est la chronique grivoise et croustillante, Kinky Sexy Time. On commence, comme toujours, avec une rafale de fées. Le pourcentage, selon toi, d'Américains qui ont déjà, qui sont déjà allés se baigner nus, qui ont fait du skinny dipping avec un membre du sexe opposé, au moins une fois. Hey, c'est une toune de Venga Boy, ça. Skinny dipping? Oui. Ah. Le pourcentage d'Américains, on parle majeur? On parle américain en général, c'est pas précisé, mais j'imagine que la plupart étaient majeurs. Je dirais 38%. 14%. Ah, pas plus que ça. Mais c'est qu'on a le facteur d'avoir fait de la nage nue avec un membre du sexe opposé. C'est quand même, ça réduit un petit peu, là, non? Parce que si tu y vas tout seul, mettons... Mais non, mais ça donne quoi d'y aller tout seul? Je sais pas. En tout cas, tu comptes pas dans son âge. C'est la truite. Ouais. C'est de l'altruite, comme on l'appelle. Oh oui, envers les truites. C'est ça. Qu'est-ce que l'atazagoraphobie? Atazagoraphobie. Ataza? Ataza. J'en ai vraiment aucune idée. C'est la peur d'être oublié ou ignoré par quelqu'un que t'aimes beaucoup. Oh! Atazagoraphobie. Oh! C'est bon. En moyenne, ça va te prendre combien de temps environ pour oublier ou passer à autre chose quand t'es en amour avec quelqu'un? Un an. Ben, un petit peu plus. Trois ans. Non, un petit peu moins. Un an et demi? Un an et trois encore? Un an... C'est entre 15 et 17 mois. Un an et demi. Un an et demi. Ben, entre un an et un tiers. Et... En tout cas. Mais ouais, j'imagine qu'il y a différents facteurs. Ben oui, si tu rencontres quelqu'un d'autre, ça doit couper de moitié. Ça peut être instantané, mais non, c'est en moyen. Dans la culture aztèque... Aztèque, c'est comme la technologie du cul. Aztèque, non. Aztèque, c'est pas une voiture LED? Peut-être aussi. Oui. Je sais pas. Mais aztèque, la culture aztèque, les avocats étaient considérés comme sexuellement... Attends. Oui. Tu parles le métier fruits, ou le fruit, là? Le fruit, pas le légume, bien sûr que non. Non, c'est pas un légume. Mais ni le métier. Donc, on parle du fruit, OK. Donc, étaient considérés comme sexuellement puissants. Les vierges n'avaient pas le droit d'entrer en contact avec des avocats le fruit. Ah, fait que il y en a que c'était la pomme, eux autres c'est le fruit, c'était l'avocat. L'avocat, le fruit défendu. Ouais. Si on veut. Ah. Ce qui est drôle pour un avocat d'être défendu, hein. Ça c'est drôle. On dirait un gag de François Pérusse, non? Non. Non? Non, vraiment pas. Fait que meilleur, non? Ouais, j'ai trouvé ça puissant comme gag, moi. Veux-tu me noter? Parce que j'ai pas de crayon. j'ai juste un couteau pis mes veines. Je peux l'écrire avec mon sang. Non, attends un peu. OK. Parce que ça prend tout le temps bien trop de temps. Avocat. Fruit. 16h47. Défendu. Ouais, mais là, je fais pas de montage pour ça. Moi. Pas l'instant classique l'été. Ça me tombe pas. Voilà. Mais merci. Ouais. On prend trop, oui, trop de ouais, temps. Trop ouais. De temps quand j'ai fait un bon gag. Ouais, c'est ça. Le pourcentage de femmes... on change de domaine, mais complètement. Le pourcentage de femmes victimes de viol, okay, qui se font violer avant l'âge de 25 ans. OK. Là, t'as peu. Je sais pas pourquoi je te le pose en question, parce que c'est pas approprié du tout. Pourquoi? Je sais pas, c'est trop touché. Littéralement. Parce que, OK. Ça, ouais. C'était trop. Ouais. Là, est-ce que tu parles du pourcentage des femmes... Le pourcentage de femmes violées ou combien... Tu veux dire sur le 100% de femmes qui ont été violées? Le pourcentage, c'est que c'est avant 25 ans. Exactement. OK, je dirais 85. C'est 80, donc bravo, t'es très, très proche. T'as dépassé, donc tu perds. Fait que je gagne. Ah, attends un peu. T'as gagné quoi? Un char, un voyage? Je sais plus, là. Ouais. C'est pas moi qui décide des prix. Hein. Un voyage de marde ou un char de marde, les deux, ça va ensemble. Ben, c'est fou, ça va se mettre un billet pour quelque chose. Donc, presque, le pourcentage maintenant, on parle encore de viol. On fait un petit bloc semi-thématique là-dessus. Donc, le pourcentage de violeurs sur les campus d'université, OK? C'est même trop difficile de poser ça en question. Je vais le faire autrement. Ouais. Presque, ouais, c'est ça. Presque deux tiers des violeurs qui sont sur des campus d'université font ça en série. Donc, en moyenne, ils vont faire chacun 6 viols. Ah! Ouais, fait qu'il n'y a pas vraiment de question à poser là-dessus. Pendant un orgasme, il va y avoir contraction de l'utérus. Chez certaines femmes, ça peut causer des crampes jusqu'à une heure suivant l'acte. Ah, mon Dieu! Une heure. Ça enlève le goût, hein? Pas mal. Pour un orgasme de 8 secondes? C'est un prix à payer, quand même assez important. Un sondage nous apprend un pourcentage que je pense que je vais pouvoir te demander ici. Le pourcentage des gens qui croient que c'est mieux de rester vierge jusqu'au mariage. Où ça? Un sondage, je sais pas spécifié, je crois en général. C'est sûrement un sondage en ligne où tout le monde pouvait participer, j'imagine. Ouais. Parce qu'on s'entend, si c'est au Québec, d'après moi, c'est beaucoup moins. Oui, oui. Oui. Mais si c'est aux États-Unis, le pourcentage, au moins 60. 50. Ouais, c'est pas moins. Quand même pas mal, ouais. Fait que c'est la fille, puis le gars qui... en tout cas, avec les gens que je connais, je te dirais que ça pourrait être le contraire. Il y a des gars qui surprennent. Ouais. Pendant les années 20, on croyait que la musique jazz allait faire perdre tes inhibitions sexuelles de façon permanente. Donc le jazz allait entraîner à du sexe non-stop et genre à des gens qui allaient fourrer, copuler. Ah ouais? Ça a été le rock'n'roll sûrement, la cause de bien des choses, sûrement les bandes dessinées, je pense, les films d'horreur aussi. Les jeux vidéo. Mais la musique jazz, c'est surprenant quand même. Ben, c'est langoureux, ouais. C'est... En tout cas, ils disent que c'est sensuel. Ouais. Moi, ça... Turn on. Moi, ça me rend violente. Ah, ouais. Contrairement aux jeux vidéo. Là. Comme dirait l'autre, voulez-vous qu'on en jazz? Mercredi 13h. Ah, moi, ça me rend violente. 13h. L'émission est trop violente. La pub? Le gars en tant que tel? Non, William? Le jazz, en cool. Général. Okay. J'aime pas ça. C'est tout à fait... C'est mon opinion. Non, puis ça t'enlève absolument rien en vie. Je suis sûr que t'es bien capable de te retenir d'écouter du jazz. Hein? Ben oui. Bon. Je me mettrais pas à faire des meurtres à cause du jazz. C'est du jazz killer. Ça va être beau en cours, ça. Comment tu veux défendre ça? Ben oui, mais il a mis du jazz. Une porn star nommée Voodoo a fait une porno. En fait, je devrais regarder si c'est un gars ou une fille. Hein? Voodoo, ouais, c'est porn. Pas, c'est pas clair ou c'est parce que t'as pas d'image? Il n'y a pas d'image. Okay. Mais je trouvais que c'était comme assez, assez pertinent. Nicole Sheridan a l'air d'être son nom. Donc, ça a l'air d'être une femme? Non, c'est un gars. Nicole? Sheridan. Nicole Sheridan a marié la vedette pornographique Voodoo en octobre 2000. C'est l'article comme pas. Ouais. Ça mène vers la page Wikipédia de Nicole Sheridan, mais ça dit que c'est son mari. Bref, c'est un gars, Voodoo, qui a fait une porno dans les airs, dans un avion, avec des relations sexuelles en plein dans les airs. C'est cool. Mais en avion? Non, il est sauté d'un avion. Oh, OK. T'avais-tu dit qu'il avait sauté? Je le sais plus. Je m'écoute pas parler maintenant. Parce que dans un avion, ben, OK. Attends un peu. Mais c'est comme en parachute, genre? Ouais. Ou pas de parachute puis il est mort en arrivant c'est en bas. C'est ça? Mais c'était un méchant bon porn? C'est comme rate pas ta scène. Ouais, c'est ça. Rate pas le... Le trou. Le, ouais, c'est ça. La cible. Ouais, c'est ça. En bas, là. C'est parce qu'il y avait un gros matelas. Ensuite, les ventes de condoms sont à leur maximum à quel moment de l'année, selon toi? Ah, à quel moment de l'année les ventes de condoms? À Noël. Ben, ça, dans un bon Noël. Pour la famille et les enfants. Un condom de Noël à la place d'un bon Noël, c'est pas le coup. Oh! Comme si tu vois tes cadeaux à l'avant. Aucun mystère. Ils sont tous smouchi-mouchi. C'est ça. Ils sont pas... Mais ben, c'est le fun parce que comme ça, tu sais c'est quoi ton cadeau, fait que t'as hâte de l'ouvrir, mais tu peux pas être touché. Pourquoi? Fait qu'il est dans un condom, puis il est arraché avec un système de sécurité. Je sais pas. Je sais pas, c'est un condom à pic. For her pleasure. Donc, c'est quand, finalement? Ouais, je sais plus. Là, les ventes de condoms sont à leur maximum pendant la semaine de Noël. Donc, t'avais la bonne réponse là-dessus. Et aussi pendant les mois de l'été. Ben oui. Donc, tu sais, juste... Pour ceux qui ont l'air climatisé. Ben oui. Et Colin, tu dis-tu? À qui le dis-tu? À toi. Ben oui, salut. Une femme, on a fini avec la rafale. On a réussi à affronter la rafale. Allons-y avec des femmes un petit peu plus en long et en large. Joséphine Myrtle Corbin. Mortal Kombat? Joséphine Mortal Kombat? C'est ça. Est née à Lincoln County, au Tennessee, en 1868. Sa particularité, on pourrait dire sa partie, comme dans les parties intimes, cularité. Fait qu'on parle de ses fesses. J'imagine, oui, entre autres. Qui avait une rare forme... de, tu sais, les jumeaux siamois, conjoined twins. Ouais. Elle avait ce qu'on appelle du conjoined twinning particulier qui s'appelait le dipygus. En fait, ça s'appelle encore comme ça. Résultat, elle est née avec deux corps complets, mais à partir de la taille vers le bas. T'as sûrement déjà vu des jumelles siamoises avec deux corps, mais en haut de la ceinture. T'as peut-être déjà vu ça? Ouais. Mais là, en dessous de la ceinture, c'est quand même assez particulier. Deux petits pelvis côte à côte. Elle avait aussi deux paires de jambes, une paire de jambes plus petite à l'intérieur de ses jambes plus larges. On dit qu'elle pouvait bouger les quatre jambes. De la façon que son cerveau est fait, elle pouvait faire bouger les quatre jambes. Ah, ça doit être bizarre! Mais elle avait de la difficulté à marcher parce que trois de ses jambes étaient à peine utilisables. Deux étaient trop petites, celle du centre, et une autre avait un pied croche clubbed foot. Quand t'as le pied comme croche un peu. Son père a commencé à, évidemment, comme dans le temps, tout le monde faisait ça, à la montrer dans un cirque à l'âge d'un mois, chargeant 10 cents. Parfois qu'on la regardait. Elle a débuté donc une carrière à succès en tant qu'attraction de sideshow, donc dans un cirque. Elle faisait jusqu'à 450$ par semaine, ce qui était évidemment beaucoup d'argent à l'époque. Ben oui. Elle était capable de prendre sa retraite à l'âge de 18 ans. OK, mais elle, ça nuisait pas à sa santé, vu que c'était les jambes et tout ça? Non. Ah! Est-ce que tu connais les jumelles siamoises les plus célèbres qui sont en vie actuellement? Oui. Qui sont justement, c'est le O, Abigail et Brittany Ansel. Ansel. Comme dans Ansel et Gretel. Exact. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais tout petit dans un vieux séjour qui traînait au chalet à ma grand-mère. Ça m'a totalement fasciné. Puis j'ai vu un article qui est passé, ça fait pas si longtemps que ça, sur les jumelles rendues adultes. Je suis comme, waouh, sont encore en vie. Ils leur donnaient comme pas vraiment une grosse espérance de vie, étant donné la façon qu'ils étaient placés, parce que c'est vraiment un corps avec deux têtes. Mm-hmm. Donc c'est assez extraordinaire, mais ils ont vraiment. Chacune, leur façon de penser, si on est en 90. Pardon. Oui. En 90, donc je trouve ça quand même impressionnant. Ils ont eu une série télé à leur sujet. Ouais. Quelque chose comme Abby and Brittany, là, genre leur prénom. Assez basic. Assez basic. Moi, je trouve ça fascinant. Solé. Si on vient à la fille, Madame Merle Combat. Mortal Kombat, ouais. Elle a marié un docteur et elle a eu quatre filles et un fils. On dit que trois de ses enfants venaient d'un ensemble d'organes. Et deux de l'autre ensemble. Je pense qu'ils variaient leur slot dépendant du soir. Ça veut dire que sont pas vraiment frères et sœurs. Demi-frères et demi-sœurs. Parce qu'en tant que tel, c'est des jumelles siamoises juste avec une seule personne au sommet, si on veut. Mais c'est ça, mais ça veut dire qu'elle aurait deux utérus. Exact. Waouh! Ah, ça, c'est fou. Ouais. C'est pas possible de confirmer si c'est vrai, toute cette histoire-là, la fin là, par rapport aux enfants, mais on dit que médicalement, c'est possible. Ben c'est oui. Vraiment cool comme sujet. Vraiment? Le sexe peut générer entre 25 et 40 entre 25 et 45 plus de trucs lors de l'éjaculation que la masturbation. Trucs. Ben ouais, de ce qui sort, là, de petits jus, là, de petits... Du sperme. Du moi sperme. Ouais. Du truc. Come on. Come on. T'es tellement immature. Ben, je sais bien. Chronique où j'ai le droit d'utiliser le mot pénis de façon limitée. Mais je me retiens sur sperme. C'est ça pour voir s'il y avait une différence entre l'éjaculation du sperme, donc dans certaines situations par rapport à la masturbation ou au sexe. On a obtenu des échantillons d'hommes qui s'étaient masturbés et d'hommes qui ont eu des relations sexuelles. Donc, il y avait une grande différence, non seulement dans le nombre, dans le fond, dans la quantité de sperme, mais c'est ça. Non seulement, attends un peu, je comprends pas la différence entre la quantité et le nombre. Ben, j'imagine quantité de sperme et nombre de spermatozoïdes. Peut-être, c'est deux choses différentes. Ouais, ça doit être ça. On va dire que c'est ça. Bref, il est plus... plus Hawaii down, tu sais. Ouais. La première observation donc évidente du test est que le volume d'éjaculation était de 25 à 45 % plus élevé que ceux qui s'étaient masturbés. Et les docteurs croient que c'est parce que lorsque l'homme a des relations sexuelles, il y a plus de sécrétion produite par la prostate, ce qui permet à plus de sperme de sortir. Mm-hmm. Donc, le sperme qui vient de l'éjaculation de l'homme qui a eu une relation sexuelle était de 70 à 120 % de plus comparé à ceux qui se masturbaient à la main. Le sperme provenant de la relation sexuelle avait aussi une meilleure mobilité, ce qui veut dire qu'il y avait plus de chances de concevoir un enfant par ce sperme-là. Intéressant. Donc, dans les banques de sperme, ça serait moins efficace. Ce serait moins efficace de prendre le sperme de gens qui se sont masturbés. Eh, bon point, c'est vrai. Faudrait fournir les femmes. Une blague dedans. Oui, comme directement. Ouais, les employés, c'est ça. Ouais. Ouais. Okay. Connais-tu... ça, c'est vraiment sexiste comme blague. On retire ça. Connais-tu l'oligospermie? L'oligospermie. Moi? Je connais l'oligothérapie. C'est pas l'affaire que tu te fais envelopper dans des algues, oligo quelque chose? Non, mais ça a l'air vrai, dis-le même, mais non. C'est pas non plus une sorte de poulet, ça c'est olimel. L'oligospermie. Ça fait référence aux hommes qui ont un très faible nombre de spermatozoïdes, de sperme en fait, très peu de sperme. On pourrait les considérer comme infertiles. Les hommes qui ont une faible concentration donc ont aussi été étudiés dans cette étude-là. En fait, du compte, les gens qui sont atteints de l'oligospermie souffrent aussi, dans le fond, ont moins d'éjaculation et de sperme lorsqu'ils se masturbent. Donc, ça reste relatif, même pour ceux qui en ont moins. Ils vont en avoir beaucoup moins lors de la masturbation. Donc, leur nombre, leur quantité augmentait lors de la relation sexuelle. Intéressant. Stephen King a dû changer le nom de son roman Salem's Lot parce que sa femme trouvait que ça avait l'air trop pervers. Ben oui, hein? Bizarre, hein? Donc, Stephen King, évidemment un romancier très, très connu pour ses histoires d'horreur. Son deuxième roman était Salem's Lot, un roman d'horreur et fiction qui parle d'un homme qui revient dans sa ville natale pour apprendre que tous les gens de la ville avaient été changés en vampires. C'est à peu près ça le résumé, Salem's Lot, à peu près. Donc, Salem's Lot, qui techniquement est un raccourci, une version simplifiée de Jerusalem's Lot. Ça, je savais pas ça. Les gens des compagnies de distribution de livres et tout trouvaient que le mot Jérusalem allait repousser les gens qui étaient anti-religion, qui allaient attacher un lien religieux au livre, alors qu'il n'y en avait pas vraiment. Je suis d'accord, par exemple. Ben, tout à fait, Jérusalem, c'est ça. Le titre, donc, était raccourci pour Salem's Lot, mais c'était pas le titre original. En 1975, le titre d'origine de ce livre-là était supposé être Second Coming. Ah, la deuxième c'est venue, si c'est on pas bien mieux. Pas tellement mieux. Donc, qu'est-ce qu'on trouvait de sexuel tantôt dans Salem's Lot? On dirait Salem's Lot, hein? Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je pensais quand aussi. Quand tu le dis vite, là, ça sonne... Quand tu le dis vite, ça fait Léopoldine. Quand tu le dis lentement, ça fait Léopoldine. C'est ça. Donc, la femme de Stephen, Tabitha King, aussi romancière, a dit à Stephen que son livre, son titre avait l'air trop pervers. Ça sonnait comme une mauvaise histoire de sexe, selon elle. donc, c'est là que Stephen a choisi de suivre les bons conseils de sa femme et a changé le titre pour Salem's Lot. On dirait que quand tu l'appelles Stephen, t'as l'air proche de lui. Stephen, Steve. On dirait ton ami. Steve. Stevie? Stewie? Non. Stéphane. Stéphane Roy. Roy. Il y a un dauphin qu'on appelle le Amazon River Dolphin. On l'appelle aussi Boto. Je sais pas trop pourquoi Boto. OK. D'accord. Qui vit dans l'eau, évidemment, parce que c'est un dauphin, mais qui est classé comme un mammifère. Hein? Mm-hmm. Tu me diras, mais ça n'a rien à voir avec le sexe. Non. Ben, attends un peu. Donc, ils ont besoin d'oxygène. Ils respirent par le petit trou sur le dessus de leur tête, qu'on appelle un blowhole en anglais. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Un trou pour respirer. Une narine. Une narine. Donc, leur blowhole, c'est l'équivalent des narines chez l'humain. Mais la particularité chez ce dauphin-là, précisément, c'est qu'il va avoir des relations sexuelles, homosexuelles et hétérosexuelles, par sa narine. Hein? Par son blowhole. C'est spécial, ben oui, hein? Ben oui. Donc, c'est le seul animal de tout le royaume animalier à avoir des relations sexuelles nasales. C'est vrai? Mais j'en doute pas. Et aussi... Qui a envie de se mettre des affaires de même dans le nez? Dans le nez, ça rentre pas. Crois-moi, ça rentre pas. Boto est aussi connu pour avoir des relations sexuelles pour le plaisir, non pas juste pour se reproduire, contrairement à la plupart des animaux. Ils ont même des relations sexuelles de groupe qui peut aller entre 3 et 5 personnes. Ils sont tellement évolués. Individus, mais hein? Oui. Mais c'est vrai, pas de pas d'homophobie, puis de tout ça, pas de... Sexe de groupe, gangbang, oui, oui, non. Ah ouais, gangbang de dauphins. Donc c'est ça, ils ont des relations de groupe, et ces groupes-là vont souvent inclure de jeunes mâles, et seulement une ou deux femmes. Ben, femelles. Femmes. Des femmes dauphins. Des bitches. Ouais, c'est ça. Oh my god. Tous ces contenus sexistes ne sont pas vraiment ce que je pense. Non, non, mais c'est des dauphins. Des dauphins. T'as-tu peur qu'ils viennent te casser la gueule? La France avait ce qu'on appelle des cours de l'impuissance. Et ça, c'est vraiment intéressant. Tu vas voir, au 16e et au 17e siècle, la France avait donc ces cours de l'impuissance-là. Les maris pouvaient être accusés de dysfonction érectile et devaient prouver le contraire devant les témoins. Hein? Donc, c'était les hommes qui étaient accusés pour une fois que c'était pas les femmes qui étaient accusées de quelque chose. Exact. Genre, c'est de ta faute si ton homme est... Ben, c'est vrai. Pas, ouais, qui est pas capable de lever. Pis c'est, de, ça? Ouais, c'est ça. Puis va me faire un sandwich. Pis donc, l'incapacité d'un homme à performer était une des seules raisons où l'Église allait permettre un mariage d'être annulé. Hein? Donc, les femmes qui pouvaient se permettre les coups légaux allaient régulièrement accuser leur mari de non-consommation devant la cour de l'Église. Les maris, en fait, devaient montrer leur pouvoir d'érection devant une équipe d'experts, de prêtres, de chirurgiens et de sages-femmes. Ben oui, ça doit aider beaucoup à avoir un public. Ah ouais, allô, ah ouais. Le stress, hein? Lève! Garde à vous! Oh boy! Ces personnels, les observateurs, allaient examiner l'équipement pour se rendre jusqu'à une opinion par rapport à la tension élastique, le mouvement naturel et demander preuve d'éjaculation. Les hommes qui échouaient ce test-là avaient seulement une autre chance de ne pas faire rire d'eux autres, finalement. Ils pouvaient demander un trial by Congress, donc un procès devant Congrès, où il allait avoir des relations sexuelles avec sa femme devant une autre équipe d'experts. C'était la seule preuve à 100% qu'il était capable de performer. Donc, cette pornographie légale se passait sur un territoire neutre que les deux parties choisissaient. Un endroit, dans le fond, qui n'était pas la maison de l'un ou de l'autre. Le couple marié était examiné par la cour pour s'assurer qu'il ne cachait pas d'appareil. Hein, et se faisait regarder très attentivement, examiné avant, après. Oh mon Dieu! Wow! Faut que tu veuilles, hein? Il y avait une secte en Russie, dans les années 1800, où les gens coupaient leurs organes sexuels. Moi. Tu sais que la castration, c'est quand même pas quelque chose de rare à travers l'histoire. C'était quand même, si on veut, démodé dans les années 1800. Non, mais on s'entend que la secte, il faut que tu veuilles y aller. Là. C'est ça. Tu fais ça volontairement, c'est aller ça. Dans une secte. Donc, ce qui rendait cette secte-là particulière, c'est en fait, on les appelait les Skoptsky. C'était une secte secrète en Russie. Ils croyaient qu'après l'expulsion du Jardin d'Éden... C'est comme ça, Jardin d'Éden en français, oui. Qu'Adam et Ève s'étaient fait chacun implanter le fruit interdit. L'avocat. L'avocat, exactement. Dans leur corps. Mais en fait, ça dépend des... on a déjà fait un fait là-dessus que dépendant de la version ou de la traduction de la Bible, que c'était pas nécessairement une pomme, le fruit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, bref. Qu'on avait implanté le fruit interdit dans leur corps en forme de sein et de testicules. Donc, pour essayer de ramener l'ordre, on coupait... Ces trucs-là. Donc, les hommes pouvaient choisir entre une castration format faible ou format élevé, ou grandiose, ou peu importe. Donc, soit les testicules étaient enlevés, ou le pénis et les testicules, les deux ensemble. Après avoir coupé le pénis, donc, ils utilisaient une... cow horn, ça serait quoi? Une corne de vache? Les vaches ont des... J'avoue mon ignorance animalière. Je sais pas trop. Mais là. Bref, un truc de vache là, pour uriner à la place de leur engin masculin. On utilisait des outils très primitifs pour faire l'opération. Par exemple, un couteau dans le fond, un genre de rasoir, si on veut, sans aucune anesthésie. Quand les bolcheviks ont pris le contrôle en 1917, ils ont arrêté cette secte-là. Et Skoptsky, qui est le nom Skoptsky, c'est bien ça, Skoptsky, oui, qui est la forme au pluriel du mot scopette, qui veut dire une personne castrée, donc castrated one. Et j'aurais envie de terminer avec un dernier ancien, pour ramener Saddam Hussein encore une fois, mais pour montrer ses bons côtés à Saddam Hussein. pourquoi pas terminer là-dessus. Donc, ce criminel de guerre exécuté, ce dictateur et tout ça, est aussi auteur d'un, d'un best-seller romantique. Savais-tu ça? C'est vrai. Donc, c'est une histoire d'amour basée à l'époque médiévale. Ça s'appelle Zabiba and the King, une histoire d'amour en Irak médiéval dans le 7e ou 8e siècle à Tikrit, qui est la ville natale de Saddam. C'est écrit en l'an 2000. L'auteur était resté anonyme seulement après que Hussein ait montré des intérêts dans les aventures littéraires et une influence l'influence de la vie. Attends un peu. C'est ça, on a vu l'influence de Saddam Hussein dans le livre. Dans le fond, les gens qui ont lu le livre et les experts ont comme compris que c'était Saddam Hussein plus tard. Donc, ça a mené à d'énormes ventes pour ce livre-là. C'est devenu un best-seller. Même la CIA croyait que le livre était écrit par Saddam Hussein lui-même, peut-être avec l'aide de d'autres gens. Donc, apparemment, ce n'était pas seulement lui qui l'a écrit. Peut-être qu'il y avait ce qu'on appelle un ghostwriter. Donc, quelqu'un qui l'accompagnait pour écrire. Donc, c'est à ce que je comprends, ça a l'air d'être encore une rumeur. On pense que c'est lui qui l'a écrit par rapport aux références qu'il y a dans le livre. Alors, ils ont vraiment feuilleté le livre et tu sais, au pain fin, comme on dit, utilisant le texte du livre et les textes qu'il avait écrits ailleurs pour comprendre la façon de penser de Saddam Hussein. Mais c'est fascinant, je serais curieuse de voir de quoi ça a l'air. Moi aussi. Je vous rappelle le titre de ce livre du dictateur lui-même. On l'appelle Zabiba and the King. Z-A-B-I-B-H. Zabiba. Zabiba and the King. Voilà pour King Sexy Time. On arrive à la fin de cette heure-ci. Tantôt, on va revenir. Il nous reste encore notre superbe bouffe de la semaine à faire. Ça s'en vient dans pas trop long, mais en fait, peut-être une demi-heure, un petit peu moins qu'une demi-heure, je dirais. Entre-temps, on va faire le plus art du hasard à faire. Ah! Je vais découvrir ça, cette chronique-là. Ouais, c'est ça, tantôt. Mais pour l'instant, quelques messages, restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Toujours à Assemblage Rocky pour la semaine du 16 juin 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Il nous reste encore une heure ensemble aujourd'hui, du moins. Oui. Du moins. Probablement la semaine prochaine, on en reparlera, on sait pas. Hein? Hein? On y va au jour le jour cet été. Oui. Voilà. Le dicton, là. Au jour le jour et les cochons seront bien gardés. Aïe, aïe, hein? On parlait de cochons. Oui, oui. À un moment donné. Oui, ben, ouais, le tirelire, cochon. Cochon. Bacon. Même si tu maquilles un cochon, ça reste un cochon ou une cochonne, on a dit. Ouais, c'est ça, puis on n'a pas gardé le cochon ensemble. Ouais. Puis à qui le cochon après 9h? Puis l'émission de cette semaine est ça à cochon. ben, pas nécessairement ce bout-là, mais le reste, c'est pas super. Avant de continuer avec le plus art du hasard, voici Tokyo Police Club. Et la pièce, attends, non, celle-là est très très longue, je m'excuse. Je m'excuse. Elle est super longue, celle-là, je veux pas, là, parce qu'elle dure comme 9 minutes, genre. Okay. Oh my god. Ouais. Après, je vais faire jouer Hot Tonight. Nouvel extrait. Tokyo Police Club. Ah ouais. 3 minutes. Parfait. T'as mieux. Ouais. Tonight, I'll burn the house down and I'll leave it behind. Hot Tonight par Tokyo Police Club. T'as-tu dit hot dog? Hot Tonight. J'écoute beaucoup Tokyo Police Club en ce moment. C'est leur nouvel album qui est vraiment, vraiment, vraiment écœurant, qui s'appelle Force Field. Je suis tout à fait d'accord. Yeah. C'est rare, je suis d'accord avec toi. Mais étant donné que c'est pas sur quelque chose que t'as fait... C'est correct. Ouais. X-Menard! On n'a pas de chanson thème pour cette chronique-là, mais c'est le moment du cuisard du hasard. Ah, c'est mauvais. J'aime ça de même. C'est une autre idée, tu me diras. C'est la chronique où on ramasse les choses qui tombent à travers les cracks des différentes chroniques. Quand ça ne fit pas dans une chronique, dans aucune chronique, ni assemblage requis, ni au massue plan de show, je mets ça dans le puisard du hasard pour plus tard. Et commençons avec des voitures faites à partir de ketchup. Hein? C'est dans notre futur. Heinz et Ford collaborent sur un bioplastique pour des parties, des pièces de voitures qui vont être faites à partir des déchets, si on veut, de produits ketchup Heinz. C'est cool, hein? Ah, OK. Donc, les pots de tomates séchées qui viennent de la production, des restants, pourraient devenir, par exemple, des braquettes dans un véhicule Ford ou encore, je sais pas, une partie du coffre à gants, n'importe quoi. Par exemple, ou d'une partie de la voiture, mettons, où on met les pièces de monnaie dans ta voiture, c'est le petit compartiment à pièces de monnaie. Ça pourrait être fait à partir de... Ce qu'on appelle la craque entre la boîte du milieu puis le siège. La craque à scène. La craque à scène. Donc, ça pourrait être fait à partir de pots de tomates séchées. Leur but est de développer des matériaux légers, mais solides, qui donc vont être parfaits pour la construction du véhicule, tout en gardant, en réduisant leur impact environnemental chez Heinz et chez Ford. Donc, on travaille ensemble pour faire ça. On est encore en phase d'exploration en ce moment. Mais, tu sais, bon, pour ceux qui stresseraient et qui penseraient que peut-être que ça va, mettons, sentir la tomate à la place de sentir le char. Mais là, come on. Les gens sont de même. Ils disent que le bambou, entre autres, est extrêmement solide. Les arbres aussi. Donc, les fibres de plantes ont aussi le potentiel d'être utilisées pour des pièces de voiture. On cherche encore là-dessus, mais un jour, ça pourrait venir. Je trouvais ça cool quand même. Fascinant. Et ensuite, il y a quelque chose d'un petit peu moins utile dans la vie. Tu m'étonnes. Ouais, c'est ça. C'est une place pour les chiens. Un resort pour chiens, si on veut, en Espagne, avec une piscine pour les chiens. C'est comme le film Palace pour chiens. Palace pour chiens, c'est sûrement une d'inspiration cinématographique. Oui. En le 7e art, tu sais, où ça peut nous mener, hein, un film de classe comme celui-là. Donc, votre chien n'aura plus à subir l'injustice d'être forcé à nager dans des criques ou des cracassines. Ça existe-tu, ça, je sais pas. Donc, à la place, vous allez pouvoir l'envoyer en Espagne au Resort Canino Can Jane. Hein? Où il va pouvoir passer son temps dans une piscine de renommée mondiale avec des glissoires, des fontaines, spécifiquement pour les chiens. Donc, c'est un resort pour chiens situé environ une demi-heure au nord de Barcelone qui a été rêvé par un amoureux des chiens, Federico Cano. Vous pouvez aller voir la petite vidéo sur assemblagerequipoint.com. Oh, j'ai même pas les moyens d'aller en vacances moi-même dans un resort de même. J'en verrais tellement pas mon chien. J'ai même pas les moyens de m'acheter un chien. Là, ça va pas bien, par exemple. Ça va pas bien. Allez voir la vidéo. Les chiens ont pas l'air d'être trop sûrs que c'est vraiment nécessaire. Eux autres non plus. Mais non, mais là... Ensuite, ça, c'est vraiment, vraiment fascinant. C'est comment une personne aveugle peut regarder un match de football. Une personne aveugle et sourde. C'est ça la particularité, parce qu'une personne aveugle peut entendre le ballon, les commentaires. Une personne sourde peut voir l'action, et on s'entend que les commentateurs sportifs sont pas très, très importants. Mais une personne qui a les deux en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va licher sa TV? On sait pas. Donc, l'interprète du langage des signes brésilien, Helio Fonseca de Rojo, s'est réveillé le jour avant l'ouverture de la Coupe du Monde, pour penser à comment il pourrait aider son ami Carlos, qui est aveugle et sourd, à avoir accès à cette Coupe du Monde super importante. Donc, il est allé au magasin de rénovation du coin. Il a rangé une table en genre d'imitation d'un terrain de soccer et a demandé à son ami Regiane, une femme dans ce cas-ci, de fournir de l'interprétation additionnelle pour réussir à comprendre les informations complexes lors d'une partie de football. Donc, c'est vraiment super cool de voir la vidéo. On peut voir que Carlos regarde le match Brésil versus Croatie et Helio fournit des interprétations par langage des signes que Carlos peut suivre en les sentant avec ses propres mains, ce qu'on appelle le tactile signing. Donc, la personne va faire du langage des signes et lui va toucher aux mains de la personne pour comprendre le langage des signes. On se comprend-tu là-dessus? Hey, pour vrai, je m'excuse, je regarde la vidéo, je suis totalement fascinée, puis ça me touche vraiment beaucoup. C'est génial. Écoute, c'est beau, là, mais on dirait que je comprends tellement pas le garçon qui est sourd, oui. Puis qui est aveugle. Et aveugle, ouais. Il connaît le langage des signes. Oui. Écoute, le processus pour comprendre ça, c'est parce que tu dois tellement pas comprendre ce qui se passe autour de toi, il est capable de suivre un match. C'est wow. Pour vrai, c'est très, très cool. Et en plus, tantôt, on a parlé qu'il y avait une femme à côté. C'est que Regiane, elle, fournit les informations sur les... je connais pas les termes, mais foul, cards, les durées, les numéros de jersey via ce qu'on appelle la communication sociale haptique sur le dos de Carlos. Donc, ce qu'on voit, la fille à droite en jaune, elle va faire des choses dans le dos de Carlos. Il écoute ça en stéréo, là. Ouais, ouais. C'est fascinant. Il y a la fille derrière lui qui joue dans le dos, puis il touche aux mains de l'interprète. Et il y a la planche, la table de soccer qui est en forme de terrain pour qu'il puisse mimer aux bons endroits. Ben, mimer. En tout cas, parler, maintenant. Sur la table. C'est vraiment, vraiment cool. Donc, c'est on voit aussi, ils disent dans l'article plus tard, il y en a qui vont se demander pourquoi Carlos, des fois, regarde l'écran de télé. C'est que plusieurs sourds et aveugles ont des fois de la vue résiduelle ou de l'ouïe résiduelle, c'est-à-dire juste quelques petits détails des ombrages. Donc, il va quand même regarder pour se mettre plus en bain. Il y a quand même la lumière du téléviseur. Exact. Wow. Donc, allez voir ça. C'est vraiment très, très cool. Ensuite, il y a une application qui s'appelle Breather. Si vous voulez prendre une sieste à quelque part, des fois, on se dit, bon, tu sais, une sieste dans son lit, c'est cool. Mais des fois, tu as besoin, tu n'es pas chez vous, tu as besoin de faire une sieste à quelque part, tu es trop fatigué. Tu vas pouvoir te louer une pièce à l'heure à New York avec une application qui s'appelle Breather. C'est pas pour du sexe, ça, d'habitude? Ben, c'est même précisé dans l'article que non, ce l'est pas, parce que c'est probablement la première question qu'on se pose là-dessus. Mais non, c'est donc à New York, via l'application Breather, on peut se louer une pièce à l'heure. On dit que c'est pour utilisation privée et silencieuse. C'est 25$ par heure par chambre. Ça peut être utilisé, entre autres, pour faire un appel téléphonique, faire une réunion, dormir en tant que tel. Donc, l'application a ramassé 1,5 million de dollars en fonds sur Internet. Ça a été inventé par le Canadien Julien Smith. C'est déjà live fonctionnel à New York et à Montréal. On planifie une version à San Francisco dans quelques semaines. Le service était... c'est ça, il y a des détails sur le service ici. Chaque chambre a une serrure intelligente. Lorsqu'on book une pièce, on nous envoie un code pour ouvrir la porte et seulement lorsque on est dans la case horaire. Donc, le système de entre telle heure et telle heure, ton code fonctionne et ensuite avance et après ça ne fonctionne pas. Une fois qu'on est à l'intérieur, l'application le sait et il y a une horloge, un décompte qui va nous dire combien de temps il nous reste. C'est toujours dans des bâtisses commerciales, c'est pas des appartements, c'est pas comme Airbnb ou peu importe où on peut louer une maison, un chalet, un condo. Le plus grand défi, comme tu as précisé tantôt, c'est de persuader les gens que c'est pas utilisé pour le sexe ou pour les couples. Les chambres, d'ailleurs, ont bureau, divan, chaise, Wi-Fi et plusieurs prises de courant, mais pas de lit. Mais quoi qu'un divan... En tout cas... Je m'excuse, t'as pas besoin d'un lit, là. Ben, c'est ça. Et les chambres sont nettoyées après chaque visite. C'est cool, hein? Ouais, vraiment. Ensuite, il y a une station de radio sur Internet qui stream comme si on était en 1989. Ça griche? Ça griche, je sais pas, 89. Ben, je sais pas, moi. Je suis en 87, mais j'avais 2 ans. On est pas sur le AM quand même. Donc, c'est une nouvelle station de radio en ligne qui a été lancée, qui joue les plus grands succès d'aujourd'hui, mais aujourd'hui est en 1989, donc il y a 25 ans. C'est Den.fm. Donc, une nouvelle station en streaming basée à Toronto qui opère comme dans le temps, avec de la nouvelle musique ajoutée en temps réel à une playlist comme lors de la sortie il y a 25 ans. Donc, si une chanson sortait le 19 juin 1989, ça va jouer seulement sur Den.fm le 19 juin en 2014, c'est ça. Donc là, quand t'as fini l'année, ça recommence début de l'année? Je me demande un peu comme dans Mad Men, à un moment donné, il faut que tu changes de décennie, là. Et c'est ce qu'ils vont faire, je pense. C'est ça, je m'excuse, je comprends pas ta référence du tout. Spoiler alert, on va changer de décennie à un moment donné. Mais non, j'imagine que c'est le même principe. J'imagine qu'on va passer à 90 éventuellement. Ben, je sais pas. Parce que je veux dire, à un moment donné, ça perd son intérêt. Mais est-ce que le jour de l'an, mettons le 1er janvier, tu vas avoir un genre de rewind, on recule au 1er janvier? Ah, je m'excuse, mais le 31 décembre, on écoute ça puis on regarde ce qui se passe. Vraiment, c'est trop fascinant. Je veux absolument savoir moi aussi. Bon. Et sur leur site web, den.fm, ça dit « La date d'aujourd'hui est, mettons, le 19 juin 1989. » C'est vraiment fait exactement comme si le web existait à l'époque. Le service, d'ailleurs, joue un minimum de 35% de contenu canadien pour prouver que le format pourrait fonctionner dans une vraie station de radio. Ah. C'est vraiment cool. La licence de la station vient de la SOCAN. Donc, ils ont vraiment une licence de la SOCAN. Et cool. Ils font vraiment, vraiment le vrai principe. Donc, on dit que la station de radio vise les femmes de 25 à 54 ans. C'est plus focusé sur le pop que d'autres styles de radio jukebox des années 80 qu'on a sur Internet, 80-90, qui vont jouer de la musique un petit peu pareil, mais moins pop, des fois plus dans le rock, des trucs comme ça, qui sont souvent plus mâles, plus masculins. Donc, on joue entre autres du Paula Abdul, Tone Loc, Michael Jackson. La station, présentement, est sans publicité pour son lancement. On dit que Den.fm va considérer des méthodes de publicité, comme par exemple des pre-rolls, donc des trucs qui vont jouer avant que le stream embarque, donc une pub dès le départ, et ensuite le stream embarque. Pour pas gâcher les films 1989. Exactement! Donc, je trouve ça vraiment cool. Peut-être qu'il va y avoir des publicités pendant la programmation, mais c'est parce que c'est ça. Comme tu as dit, c'est vraiment difficile. C'est parce ça. Que tu vas annoncer des affaires de 2014, ça défait complètement le principe. À moins que ce soit un produit qui existait en 89, ouais. Puis tu fais une pub vintage. Ou encore prendre des produits présentement, mais écrire la façon comme elle aurait été faite en 1989. Un peu comme le site web, en tant que tel, en 89, il ne devrait pas y avoir de site web. Genre. Mais tu sais, il y en a un, mais il est fait comme si ça avait été possible de le faire en 89. Moi, j'irais plus là-dessus. Avec des scripteurs ou des personnes qui écrivent les textes façon vintage, avec un annonceur avec la grosse voix fatigante, comme il y avait tout le temps dans les années 89. Dans les années 89. Moi, je sais, je me suis... T'écoutais la radio en 89? Dans les années 89. Ouais, j'avais 6 ans dans les années 89. Ouais. Eh boy! Donc, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il pourrait y avoir des publicités plus genre l'émission est commanditée par quelqu'un. À la place d'avoir des publicités qui interrompent à chaque 15 minutes, tu serais commandité. Bon, bref, on passe à autre chose. On va y aller avec un. Ok, ça c'est cool. Pour vrai, le plus heureux du hasard, c'est ça, c'est que c'est toutes des affaires que j'ai pas le choix de dire, mais que ça fait pas dans aucune chronique. Là, j'allais en skipper, mais je suis pas capable de les skipper parce que c'est trop intéressant. Il y a quelques fins de semaine, les Sex Lube Grand Athletic Meet se sont passés à Tokyo, au Japon. C'est des gens couverts de lotion, ce qu'on appelle de la lotion, mais qui est dans le fond du lubrifiant. Okay? Ouais. Les gens compétitionnaient dans plusieurs événements. Donc, plus de 100 personnes ont participé à cet événement de sous-culture. Parce qu'au Japon, on dit que le Sex Lube s'appelle lotion et que les gens qui aiment le lubrifiant sexuel s'appellent des lotionistes. OK. Donc, lotion, ça peut faire référence aussi à de la lotion, tu sais, comme de la lotion pour bébé, de la lotion pour, tu sais, solaire, etc., etc. Ben bon. Donc, qu'est-ce que je disais ici? C'est que les gens vont se s'enduire de lotion. Et se vont beurrer. Se beurrer. Et vont participer, par exemple, à de la lutte. De la c'est boxe. Chic. C'est chic. C'est très, très chic. Vous pouvez voir les photos qui sont sur assemblagerequis.com. Il y a des règlements. On dit qu'on peut pas être nu. Hein? Mais qu'on peut avoir des assless chaps, donc des chaps, mais sans fesses. Ça veut dire que ça fait le tour, mais sauf que les fesses sont en tant que telles visibles. Les gens portent des casques pour empêcher les blessures. Il y a eu de la lutte sumo, course à obstacles, souk à la corde, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais. Ouais. Relais de ballon géant, bien sûr. Ah, ça c'est le fun! Curling, lubrifié. J'imagine qu'il faut que tu réajustes ton swing... Catch-up curling, tu sais. Probablement. C'est plus glissant, t'as pas besoin de balai. Et on voit dans les photos aussi le nettoyage de tout ça à la fin. Donc, l'événement se passe dans un complexe de lutte First Ring à Shinkiba. Les participants, donc, on devait payer 100$ pour compétitionner. Les spectateurs, eux, devaient payer 30$ pour regarder tout ça. Les Sex Lube Grand Athletic Meet est organisé par la Sex Lube Sports Association, l'association de sport lubrifiant sexuel. Oh, mon Dieu! Pour les lotionnistes qui se soucient de ne pas avoir vécu ça. Il va y en avoir une autre compétition comme ça les 5 et 6 juillet à Laguneja. C'est un resort dans la préfecture d'Aichi. Voilà. J'en reviens pas. Non, c'est ça. Eux autres, ils en revenaient, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de lubrifiants pour aider à venir. J'imagine. Fait qu'ils sont venus plusieurs fois. Genre, ou gag de mauvais goût, non? Tout. Pour terminer... Quelque chose de meilleur goût? Ben, probablement, en fait, de meilleur goût et de désaltérant, probablement, certains diraient. Vous savez, dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier. Ça, c'est, je pense, un classique du cinéma. Mais aussi, c'est difficile. Pourquoi juste du cinéma? On dit pas ça, cette phrase-là, dans l'espace. Personne ne peut vous entendre crier. Dans un monde où personne ne peut. OK. Apparemment, qu'en Italie, les gens aimeraient ça pouvoir boire du café. Et dans la Station Spatiale Internationale, ben, ils sont tannés d'avoir du café instantané. Et ils sont prêts à boire ils veulent boire du vrai café. Ils sont prêts à tout pour le faire. Donc, apparemment, qu'on travaille avec une compagnie qui s'appelle Argotex et un géant du café, Lavazza, pour créer une machine à espresso spéciale pour la Station Spatiale Internationale. Oh. La machine va s'appeler le Espresso. Quand même, bon, je veux moins que l'ISS et espresso, là, on s'entend. La machine va utiliser de petites capsules, un peu comme les Keurig et autres qu'on utilise sur Terre ici. Sauf qu'à la place, sur Terre. Ouais, pas sur Mars. Non, c'est rare. Où on habite. Ouais. Donc, à la place d'utiliser des tubes de plastique, par contre, la machine espresso va avoir des tubes d'acier qui va pouvoir supporter jusqu'à 400 bars de pression. C'est une mesure de pression dans l'espace. C'est ça, on va avoir besoin de ça pour pouvoir faire du café là-bas à cause de la gravité et tout, et tout, et tout. L'espresso va aussi avoir des trucs qui vont aider à le flow du liquide. Le flux du liquide, bien dit. Donc, allez voir la petite vidéo. Espresso par Argotec et Lavazza pour enfin pouvoir boire du café dans l'espace. Là, il était temps. Ben oui, hein? Je veux dire, à chaque fois que j'y vais, moi aussi, je trouve ça long puis difficile. À chaque fois. Ouais. Tout le temps en manque de café. Ouais. Mais bon, ça va changer. Les choses changent pour le mieux. Voilà pour le puissant du hasard. Je sais pas comment je dire. Je sais pas s'ils vont avoir quelque chose pour se faire du craft dinner aussi dans l'espace. Peut-être. Des petites pizzas pochettes. Ouais. Ouais. Plein de choses, plein de questions sans réponse. Oui, vraiment. On est rendu encore à une autre pause. Hein. Ça arrête pas. Ça arrête pas. On devrait faire juste une pause au début, en cours, de lors du lancement du stream. Puis après ça, reprendre l'émission en cours de diffusion, comme après un match de football. Ouais, c'est ça. Nous, on continue à parler pendant la pause, puis ouais. Vous nous poignerez quand que ça va passer. Comment ça donnera, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on n'est pas pour suivre les conventions d'attendre la fin de quelque chose avant de partir une pub. Je trouve que ça serait vraiment... Un verre de vin en main, en dégustant les bouchées de certains des meilleurs traiteurs en ville. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. C'est fou rejoint maintenant Assemblage requis, déjà en cours de diffusion. Juste parce qu'elle parle plus fort, j'ai une banane dans l'oreille. Balade dans l'oreille! Oh, elle est bonne! Ben avoue là, que c'est le gag du siècle! C'est bien! Hey, si vous avez manqué ça, là, j'en reviens pas! En tout cas, je pense on a assez parlé. On était rendu en musique, je pense, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On a fait quand même une bonne chronique, là. On n'arrêtait pas de parler depuis comme beaucoup trop longtemps. Donc, on va entendre une chanson qui est vraiment très, très bonne par Caravane. Ça s'appelle Minuit. On écoute ça à l'instant. Ça, c'est fou. C'est Assemblage requis. Mm-hmm. Non-stop! Forever and ever! Stéphanie, la dictatrice en chef. 10-06, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la crise.